Et donc oui, donc j'aimerais prendre le mouvement altermondialiste comme une étude de cas, comme une série d'études de cas, comme une série d'expérimentations pour qu'il développe de nouvelles manières ou des manières plutôt d'être acteur de la mondialisation, en se demandant quelle recomposition de l'agence sociale dans un large global, en essayant d'analyser les différents mondes d'action, leur importance, leur cohérence, mais aussi leurs limites. Puisque si la question c'est comment être acteur dans la mondialisation, je crois qu'il y a au moins autant à prendre des limites d'un mouvement comme l'altermondialisme que des succès. Et donc c'était ça mon point de vue de départ, d'essayer de considérer l'altermondialisme comme un ensemble d'expérimentations qui est vraiment intéressant, je crois, par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui, notamment par rapport à la démocratie globale qui est en train de se construire, ou pas. Et donc l'altermondialisme, en effet, c'est une étude de cas intéressante. Pourquoi ? Ben d'abord parce que c'est un mouvement qui surgit tout d'un coup à différents endroits. Alors ici, bien sûr, je suis sûr que vous avez tous lu que ça a commencé en France, que les intellectuels français étaient tout à fait centraux là-dedans, et surtout Bernard Cassin d'ailleurs, comme il écrit partout. Mais en fait, ça a commencé à peu près partout en même temps. On voit par exemple en 93, 500 000 paysans en Inde qui se mobilisent contre l'OMC, c'est quand même 4 ans avant la fondation d'attaque. Et puis on a le Chiapas avec les indigènes zapatistes au Mexique. On a plein de petits événements un peu partout, dont en Allemagne, en Angleterre. Et donc peut-être que Seattle en 99 marque un peu l'apogée de ces mouvements, d'avènement d'un nouveau mouvement. Donc c'est intéressant de voir que ça se construit, ça émerge à peu près en même temps, un peu partout dans le monde, au nord comme au sud. C'est un mouvement donc qui se construit notamment autour de quelques événements globaux, avec à la fois des événements très médiatisés et aussi un aspect subjectif intéressant. L'idée que beaucoup d'acteurs disent que pour la première fois, j'ai l'impression de participer au monde. Pour la première fois, je vois la mondialisation, non pas quelque chose comme uniquement extérieur, mais aussi quelque chose dont je fais partie. Et donc là, au niveau subjectif, ça me paraît tout à fait intéressant pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité cosmopolite et le sentiment d'être non seulement spectateur, mais aussi acteur. Par exemple, je me rappelle des entretiens avec une équatorienne qui m'expliquait que auparavant, quand on parlait de la mondialisation en Équateur, c'était quelque chose d'extérieur, c'était les multinationales françaises qui envahissaient l'Équateur, etc. Tandis qu'après le passage du Forum social des Amériques, les gens avaient l'impression de faire partie de cette mondialisation. Ce qui paraît déjà pour moi quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis c'est aussi un mouvement qui prend la mondialisation pour enjeu, donc c'est à la fois le contexte et l'enjeu, essayer d'orienter cette mondialisation. Ça me paraît vraiment intéressant. C'est aussi une étude de cas particulièrement intéressante parce que c'est à la fois un mouvement qui est au nord et au sud de la planète. Il n'y a pas une domination claire d'un côté ou de l'autre. C'est assez intéressant de voir qu'il y a tant d'exemples qui viennent finalement du sud. On parle du budget participatif qui vient plutôt du Brésil. On parle des zapatistes qui ont une influence un peu partout dans le monde alors que ce sont quand même des indigènes au fond du Mexique. On parle d'exemples qui viennent de l'Inde de temps en temps, etc. Donc ça c'est intéressant de voir le nord et le sud. Et aussi un mouvement un peu du local au global. Évidemment, si on pense à l'altermondialisme, on va surtout penser à Porto Alegre, Seattle ou ces villes qui ont hébergé un jour une manifestation globale. Mais en fait, pour la plupart des militants, l'essentiel du temps qu'ils passent à être militants altermondialistes, c'est au niveau local. Et donc c'est ça qui est intéressant, avec un niveau national qui est évidemment aussi très important, mais je crois qu'en France, je n'ai pas besoin de le souligner, c'est ce que la plupart de ce qui est écrit sur le mouvement altermondialiste en France explique que c'est un mouvement très national. Évidemment, donc, en sachant que c'est un acteur plutôt global, qui est un peu partout et qu'en plus il est à différents niveaux, c'est vrai que c'est très intéressant. En même temps, c'est un vrai défi pour la recherche. Et donc je crois vraiment que pour comprendre un acteur global, pour comprendre un phénomène global, il faut faire beaucoup plus de recherche empirique et pas beaucoup moins de recherche empirique. Ici, je prendrai comme modèle quelqu'un que j'aime bien en général, Ulrich Beck. Ulrich Beck, je ne sais pas si vous avez lu son petit livre qui a été traduit en français, Pouvoir et contre-pouvoir dans la mondialisation. En lisant l'une des premières pages, enfin peut-être après 10 pages, on a une petite incursion de l'empirique. C'est un étudiant, garçon de café à Vilnius, et donc il parle quelques mots sur ce qu'il voit comme globalisation. Et c'est tout ça dans un océan de tergiversation plus théorique, et on voit un peu de presse internationale, et ça paraît comme presque le terrain. On imagine tout à fait Ulrich Beck allant d'un avion à l'autre comme à son habitude. Et son seul contact avec le terrain, c'est finalement un étudiant qui le sert dans, dans les universités de Vilnius, là où il vient donner une conférence sur le global. Et donc, là, je me suis dit, bon, après ça, j'ai un peu arrêté de lire ce livre-là parce que c'était trop pour moi. Et je pense qu'au contraire, il faut renforcer. Le terrain est beaucoup plus important aujourd'hui. On ne peut pas se limiter à lire le Financial Times et The Economist pour comprendre la globalisation. Au contraire, il faut beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de temps sur le terrain. Pour comprendre la mondialisation, il faut faire un terrain multisitué dans différents lieux, différents endroits, différents pays, différentes cultures, différentes villes. Et un terrain multiniveau. Donc qui va du local au global. Puisqu'évidemment, les événements globaux sont importants. On ne peut pas comprendre l'altermondialisme sans comprendre un petit peu le forme sociale mondiale. C'est vrai, c'est un événement important. En même temps, on ne peut pas non plus limiter l'altermondialisme à ça. Et malheureusement, la plupart des chercheurs, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a une clique de chercheurs plutôt cosmopolites qui écrivent massivement sur le forme sociale mondiale, pas en français, mais plutôt en anglais. Et donc, ils publient beaucoup là-dessus. Et puis, il y a les Français et quelques autres qui écrivent beaucoup sur l'altermondialisme en France parce qu'ils ont une expérience tardive et souvent après avoir écrit quelque chose sur l'altermondialisme des forums sociaux mondiaux du côté international. Je crois que c'est vraiment important d'arriver à faire tout ça sans oublier l'importance du niveau national, évidemment. Donc, multiniveau et puis aussi des terrains dans différents endroits. C'est vraiment important, je crois, d'avoir quelques terrains dans différents lieux. C'est évidemment impossible d'aller partout. Mais il n'empêche qu'il faut au moins avoir une petite idée de l'altermondialisme dans d'autres régions, des régions qui surprennent, des régions qui font que quand on revient après en France, on voit l'altermondialisme d'une manière différente, parce que c'est un mouvement qui a quand même certains éléments communs, et en même temps qui est assez différent un peu partout. Et donc là, évidemment, on peut faire ça soit seul si on a un peu de temps et les moyens de faire quelques voyages, c'est pas si cher que ça. Ou alors en équipe, je crois vraiment que la recherche collaborative est vraiment beaucoup plus importante dans ce contexte parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et donc, malheureusement pour moi, ce n'était pas le cas. Donc j'ai passé une dizaine d'années, surtout avant ma thèse, avant 2006, mais aussi après, en fait, à passer beaucoup de temps. J'ai passé à peu près un an et demi au Mexique. Bah, j'ai passé 2-3 ans à Paris et puis entre-temps, j'allais souvent en Belgique. Et puis j'ai fait tous les forums sociaux mondiaux et quelques forums sociaux européens et des manifestations un peu partout. Et donc, ce qui m'a permis quand même d'avoir un point de vue un peu plus général, mais en même temps assez compliqué, puisque finalement, on se retrouve avec une masse de données. J'avais 3 ou 4 000 pages de notes et plein d'entretiens que j'avais plus jamais écoutés et que je n'ai plus jamais écouté depuis. Et donc, finalement, c'est une question fondamentale de la recherche face à un élément global. Donc, je dis une contrainte finalement ou une exigence, pour moi en tout cas, c'est de faire la recherche dans plein d'endroits différents et de faire beaucoup de terrain. Et puis en même temps, ça ne résout pas notre problème. Comment est-ce qu'on passe de petits terrains, tous forcément locaux, avec des gens qui sont tous fortement situés, même un forum social global, c'est toujours quelque chose d'assez petit, restreint. Comment est-ce qu'on passe à quelque chose de plus vaste? Et là, c'est un problème épistémologique qui se pose à tous ceux qui veulent étudier le global. Évidemment, il y a plusieurs solutions qui sont apportées. La plus simple, à mon avis, c'est de dire que le global n'existe pas et donc c'est toujours localisé. Et donc voilà, on fait autre chose. Ou bien de dire que le global, c'est une illusion et que c'est toujours très national, ça arrange bien les gens. C'est le nationalisme méthodologique d'Ulrich Beck, pour le coup, qui a tout à fait raison là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série de méthodes, en commençant par l'ANR, le prix des voyages à l'intérieur des pays, etc., qui font qu'on est poussé à faire de la recherche dans le cadre national. Et donc, il y a une déformation des conditions de la recherche sur la manière de construire l'objet de recherche. Et je crois que ce n'est pas anodin d'arriver à la conclusion que le mouvement est très national. Si on fait une recherche nationale, ça paraît plutôt logique. Et donc ici, non, donc c'est une question épistémologique assez importante. Comment est-ce qu'on passe de terrain ethnographique, je crois que ça reste très important, de faire un peu de terrain ethnographique, à un mouvement plus global. Et donc évidemment, ce qui est clairement dominant ici, c'est l'approche comparative, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Et donc là, il y a de très nombreux collègues qui ont écrit de nombreux bouquins là-dessus. Il y a une autre approche peut-être, qui est une approche notamment qu'on peut notamment trouver chez Alain Touraine, mais je crois aussi chez beaucoup d'autres sociologues, et qui en fait s'inspire plutôt, il ne faudra pas dire ça à Alain Touraine, mais plutôt de l'idéal type de Max Weber. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup chez Touraine qui dit « Nous oublions parfois, en parlant du mouvement ouvrier, qu'il était de la même manière présent dans des syndicats, des partis, des coopératives, des mutuelles, des municipalités, des associations culturelles. » Et en effet, On parle aujourd'hui du mouvement ouvrier, ça nous paraît plutôt logique. Et en même temps, on voit bien que tous ces acteurs-là, plutôt là, se disputent toujours un peu. On imagine tout à fait que les syndicats n'ont pas été toujours très d'accord. Il y en a quelques-uns qui voulaient casser les machines, d'autres pas du tout. On ne savait pas très bien par où aller. Et malgré tout, ça nous paraît comme tout cohérent. Tout cohérent parce qu'il y a une certaine unité du mouvement qui en même temps n'est pas du tout incompatible avec une diversité du mouvement. Et donc c'est là, je pense que... je crois qu'on peut s'inspirer de ça en combinant peut-être avec une idée, avec l'idée de l'idéal type, hein, c'est assez classique en sociologie. Et en disant donc finalement que l'altermondialisme, c'est donc plutôt au niveau des significations qui sont portées par le mouvement, au niveau d'une série de logiques d'action que je vais essayer de vous expliquer. Et il faut bien distinguer ce mouvement, qui est une construction abstraite finalement, théorique du sociologue, et les acteurs concrets. Il n'y a donc aucun acteur concret qui est tout à fait altermondialiste, et pourtant, c'est grâce à ce modèle qu'on peut construire de l'altermondialisme qu'on peut comprendre les acteurs concrets. C'est ce que tout le monde a lu chez Max Weber, l'idéal type. Et donc, par exemple, on peut dire que dans Attaque, il y a de l'altermondialisme. Plutôt que de dire Attaque est une association altermondialiste. Dans Attaque, il y a de l'altermondialisme, des logiques qui sont plutôt altermondialistes. Et il y a beaucoup d'autres logiques qui sont, par exemple, je ne sais pas, des logiques politiques, des logiques d'appareil politique, des logiques personnelles, des logiques de mouvements, peut-être de mouvements ouvriers, de mouvements intellectuels, etc. Enfin, il y a toute une série d'autres choses dans chaque acteur. Et il y a une partie de ces acteurs-là qui relève de logique altermondialiste dont je vais essayer de vous parler dans l'essentiel de mon exposé. Je crois que cette démarche, inspirée de l'idéal type plutôt que directement l'idéal typique, est combinée à l'idée de l'altermondialisme comme une série de significations et de logiques d'action cohérentes. Donc il y a quelques logiques d'action qu'on peut identifier à peu près à l'altermondialisme. Ça me paraît intéressant parce qu'en effet, ça évite notamment, ça permet d'une part de dépasser le problème de l'unité et la diversité du mouvement. Je pense que dans ce sens, on peut toujours parler du mouvement ouvrier aujourd'hui, et dans ce sens-là, pourquoi ne pas parler du mouvement altermondialiste. Et en même temps, on ne réduit pas un acteur concret à ce mouvement général, ce qui évite de dire que parce qu'il y a une petite fraude électorale dans Attaque, l'altermondialisme est terminé en France et dans le monde. C'est quand même assez paradoxal. Bien sûr, il se passe un peu moins du côté de Paris et en particulier du quartier latin. Mais si on va voir un peu plus loin, il y a encore pas mal de choses dans l'altermondialisme, même en France. Donc voilà pour la perspective. Et donc, comment commencer avec cet altermondialisme? Qu'est-ce que c'est? Je suis parti d'une définition assez simple. L'altermondialisme, c'est pas tellement les gens qui... on ne peut pas dire simplement que ce sont les gens qui se réunissent aux forums sociaux, par exemple. Ça ne suffit pas. D'une part parce que beaucoup d'altermondialistes n'ont jamais les moyens d'y aller, et d'autre part parce que c'est quand même qu'un petit événement qui ne représente pas l'ensemble de l'altermondialisme. On ne peut pas dire non plus que c'est un mouvement qui est centré sur un adversaire. Ce ne sont sûrement pas les seuls à s'opposer à la mondialisation néolibérale au consensus de Washington. Et si le consensus de Washington n'est plus un consensus aujourd'hui, il le doit en partie aux altermondialistes, mais aussi à l'extrême droite, aux Chinois et à plein d'autres acteurs qui ne sont pas altermondialistes. Et donc, je dirais que l'altermondialisme, c'est plutôt une volonté de devenir acteur dans la mondialisation. Et qui s'oppose donc, cette idée de devenir acteur dans la mondialisation, s'oppose à la logique dominante qui ne voyait plus d'acteurs dans la mondialisation, mais un système qui s'imposait à tout le monde, qui demandait aux États de s'adapter à cette mondialisation économique. Et tout d'un coup, ont surgi des acteurs qui ont affirmé cette agentivité sociale. On dit qu'il était possible de faire quelque chose, que non seulement les États avaient un rôle à jouer, mais aussi les « simples citoyens », entre guillemets, comme ils aimaient beaucoup s'appeler. Et ils ont développé une série d'alternatives en disant que les citoyens, simples citoyens, pouvaient avoir un impact sur les décisions qui sont prises même au très haut niveau. Et là, c'est Seattle qui est vraiment devenu le symbole, et je dirais le mythe, de l'altermondialisme, puisqu'à Seattle, avec la manifestation, ils ont dit que les altermondialistes avaient eu une influence sur l'OMC. C'est vraiment le niveau qui paraissait le plus inatteignable, le plus éloigné, et pourtant les altermondialistes ont une influence sur l'OMC, puisqu'il y a eu un échec de l'OMC à Seattle. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais c'est évidemment un mythe. Hein. Je ne pense pas du tout que 40 000 personnes ont pu influencer l'OMC, il y avait plein de problèmes avant, mais ça arrangeait bien tout le monde qu'on dise que ce soit les altermondialistes, et comme... tous les sociologues le savent bien, depuis Thomas, des choses qui. Des idées fausses sur un phénomène peuvent avoir un impact très réel. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que cette idée qui n'était pas tout à fait correcte a eu un véritable impact sur l'altermondialisme et au-delà, et donc on a vu davantage de capacité d'action. Et ensuite, évidemment, c'est pas tout à fait une réponse, vous allez me dire, c'est une réponse assez simple. Hein. L'altermondialisme, c'est une volonté de devenir acteur, c'est assez simple, et ça n'explique pas grand-chose finalement. Et donc la question, c'est plutôt comment devenir acteur, que font ces acteurs pour devenir acteur. Et là, j'étais confronté, ça m'a pris 6 mois de migraine, hein, avec sans cesse toute une série de paradoxes que je n'expliquais absolument pas. Par exemple, comment est-ce qu'on peut expliquer que dans un même mouvement, des gens passent leur temps à discuter pendant 3 heures qui va aller nettoyer les toilettes du camp altermondialiste pour être sûr que ce soit bien une décision démocratique, qui ne soit pas sexiste, etc., etc. Et qu'en même temps, on arrive à bourrer les urnes dans les élections d'attaque. C'est quand même le même mouvement, alors que les gens passent tant de temps à discuter de démocratie, et puis là, on bourre les urnes sans aucun problème, apparemment, en 2006, du côté d'attaque. Comment expliquer que des étudiants comme vous, il y a quelques années en tout cas, des gens qui étaient à votre place il y a quelques années, étaient des jeunes urbains, très individualisés, très éduqués, on pourrait dire, en tout cas, un capital culturel très élevé, et ils se réfèrent sans cesse aux zapatistes, qui sont des gens qui militent pour quelque chose de collectif, pour défendre une communauté indigène, qui étaient pour la plupart illettrés quand ils ont commencé leur mouvement, et qui sont des gens ruraux. Ils sont tellement différents, ces gens-là. Et pourtant, partout où j'ai été, une catégorie de jeunes altermondialistes que j'appelle alteractivistes, et qui ressemblent beaucoup aux indignés d'aujourd'hui, je crois, partout, ils se réfèrent aux zapatistes. Et donc c'était assez amusant de voir qu'ici en France, ils appellent le campement intergalactique, que quand je vais au Mexique, évidemment, ça paraît plus logique, là aussi, les jeunes urbains sont très apatistes. C'était pareil en Italie, où il y a un grand groupe Yabasta, enfin, partout. Et tout d'un coup, c'était très amusant, tous ces jeunes que j'étudiais un peu séparés, à Buenos Aires, à Mexico, à Paris, et en Belgique, tout d'un coup, en 2005, ils se rencontrent tous dans un tout petit endroit du Forum Social Mondial. Ils ne se connaissaient pas du tout entre eux, mais moi je les connaissais bien. Et ils se rencontrent, ils travaillent ensemble très vite, et ils décident d'appeler leur campement le Caracol Intergalactique. Donc, deux termes tout à fait zapatistes. Quand même, il faut l'expliquer, si c'est quelque chose qui se reproduit dans différents endroits, on ne peut pas juste dire que c'est un hasard. Et c'est là que le global, quand même, nous donne beaucoup de clés. C'est tout à fait intéressant au niveau de la recherche. Je crois que là, ça oblige à une certaine rigueur. On ne peut pas dire, par exemple, que on peut pas juste mettre une petite note de bas de page en disant « Tiens, c'est bizarre, les jeunes se réfèrent aux zapatistes qui sont si différents. » On ne peut pas dire que, comme on l'a dit, la fraude électorale dans Attaque, c'est un problème, c'est une pathologie psychologique de Bernard Cassin et ses amis. C'est ce que les gens en France ont dit. Alors les Belges, à ce niveau-là, ils disaient « C'est plutôt un problème français, ils sont très jacobins, ils aiment la centralisation, ils ne sont pas très démocrates. » Le problème, c'est qu'ensuite, j'étais au Mexique et j'ai vu exactement la même chose. Ils n'ont pas bourré les urnes, d'accord, mais enfin, la même logique de domination de quelques élites, quelques leaders, d'un mouvement altermondialiste par ailleurs très intéressant. Et c'est pareil au Forum Social Mondial, où il y avait une domination très forte de ces leaders, et donc c'est quelque chose qu'on trouve partout. Et même, on peut dire aussi, au-delà, un paradoxe qui est beaucoup plus apparent, même dans la presse, est-ce qu'on parle bien du même mouvement quand on voit toutes ces images de jeunes qui, et moins jeunes, qui défilent en dansant la samba dans les rues de Porto Alegre ou ailleurs, enfin c'est clown, etc. Et donc un mouvement avec beaucoup de joie, d'expression. Et ces jeunes retraités qui passent tout leur samedi à écouter un discours d'un macroéconomiste très ennuyeux en général, et dans une université. C'est quand même extraordinaire de voir comment un mouvement a mobilisé autant de monde pour écouter des choses très embêtantes. Et est-ce que c'est le même mouvement? Ça n'a en tout cas pas tout à fait l'air d'être la même logique. Et donc c'est là que je propose de voir l'altermondialisme comme une convergence toujours très compliquée entre deux voies. Une voie que j'appelle la voie de la raison et l'autre la voie de la subjectivité. Deux voies parce que ce sont deux manières d'être acteur, deux manières de devenir acteur dans la mondialisation. Et donc c'est un... Voilà, comme je retrouvais ça un peu partout et que ça permettait d'expliquer les quelques paradoxes que j'ai trouvés au cours de mon terrain... J'en ai fait le cœur de la thèse il y a déjà bien longtemps et de ce livre un peu plus récemment. Et donc on peut dire que d'un côté il y a une voie de la subjectivité où il y a plutôt des mouvements culturels Ici, il s'agit surtout de, pour les militants, de préserver leur créativité, leur autonomie, leur expérience vécue, pour reprendre le terme de Habermas, contre la domination des multinationales. Et donc il s'agit de défendre tous les aspects de leur vie face à l'envahissement de la culture marchande, du capitalisme, etc. etc. Leur loisir, par exemple, ou la consommation, leur expérience, leur créativité, etc. Le terme central, c'est vraiment celui d'expérience ici. On défend son expérience. Et donc c'est quelque chose de très subjectif, très personnel. On retrouve ça à différents niveaux. On retrouve ça dans les groupes alter-activistes très idéalisés dont je vous parlais. On retrouve ça aussi dans une version plus collective dans les communautés zapatistes ou dans bien d'autres communautés où il s'agit de défendre une espèce d'expérience collective ici, une possibilité de vivre un peu différemment dans une communauté. Il y a par exemple les piqueteros argentins, les groupes d'achat commun ou certaines ZAMAP ou à peu près équivalents qui se développaient à l'époque. Et puis les campements altermondialistes étaient aussi tout à fait dans cette logique. Donc il s'agit ici vraiment d'une... Ce qu'ils veulent, c'est un contrôle des orientations culturelles, c'est une transformation qui est aussi une transformation personnelle avec l'idée que résister, c'est créer, qu'il faut défendre sa créativité. Et il faut aussi se changer soi-même. Pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même, être moins égoïste, plus juste dans ses relations avec les autres, consommer autrement, s'organiser autrement. Et donc, puisqu'on est à Paris, une petite citation du Forum social européen 2003, avec un petit campement de ces jeunes altermondialistes, qui expliquait « Nous ne distancions pas nos pratiques de nos objectifs, nous choisissons un fonctionnement horizontal, antisexiste, auto- et éco-gestionnaire à partir de regroupements affinitaires. » Donc, l'idée qu'on ne peut pas défendre la démocratie ou le féminisme sans l'appliquer très concrètement dans sa vie quotidienne, mais aussi dans l'organisation du mouvement. Ce qui est un petit peu différent du petit souci électoral d'attaque. Donc, ce qui compte ici, la conception du changement, est en fait centrée sur un changement comme processus, avec une cohérence entre les pratiques et les valeurs. On va changer le monde en se changeant soi-même, en mettant en œuvre ses valeurs. Et donc en créant des espaces dans lesquels il n'y a pas, d'après eux, ou je dirais plutôt peu, de domination ou peu d'influence de la sphère marchande, peu d'influence de la sphère politique, etc., où il y a une espèce de monde un peu utopique d'égalité qui peut soit durer très longtemps, comme les communautés zapatistes, soit être très court, comme un petit campement altermondialiste qui prend quelques jours. Et donc on peut parler ici peut-être d'espace d'anti-pouvoir, en entendant le pouvoir comme Foucault, essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer des espaces sans trop de relations de pouvoir. On voit bien ici que ce qui compte le plus à l'espace à partir duquel commence le changement, c'est un espace local. C'est un mouvement qui s'ancre fortement dans le local, et même quand les jeunes, par exemple, alter-activistes vont à un forum social mondial, quand ils se réunissent, c'est avant tout pour parler de l'expérience locale, de ce qui se passe dans leur ville, des problèmes de logement, des problèmes de la publicité, enfin plein d'autres choses, mais avec toujours un ancrage local très fort. Ce sont aussi des mouvements de quartier qui peuvent se développer. Je parlais tout à l'heure des loisirs. Il y a par exemple une étude de cas dans le livre qui reprend un centre culturel alternatif à Liège, en Belgique. L'une des choses qu'ils aiment beaucoup faire, c'est faire des loisirs alternatifs. Et donc, en gros, leur idée, c'est plutôt que de passer son temps devant la télé le soir. On va essayer d'être plus créatif, de faire des choses ensemble, de discuter, de s'informer. Donc, il y a pas mal de petites conférences, des œuvres de théâtre, une chorale, enfin. Et il y a sûr un bar avec plein de bonnes bières belges. Et donc, l'aspect convivial est vraiment important ici. Et donc, c'est tout à fait le niveau local qui compte. Je crois que cet aspect du mouvement est vraiment très important, passionnant. Il faut en souligner toute l'importance. Bien sûr, ça ne fait pas la une de la presse tous les jours. Mais par contre, ils ont réussi à très concrètement améliorer la vie des gens, ce qui paraît un succès considérable, qu'on a souvent tendance à oublier en tant que sociologue et que les politologues oublient tout le temps. Mais c'est vrai qu'un mouvement social, si ça ne fait pas la révolution, mais si ça améliore déjà la qualité de vie des gens, c'est déjà un franc succès et c'est déjà très bien comme ça. Pour autant, il y a quand même quelques petits soucis, quelques problèmes, quelques limites dans ce mouvement, et des limites qui, je crois, sont tout à fait structurelles à cette voie de la subjectivité. Donc, ce n'est pas une le fait que les acteurs n'appliquent pas cette logique de manière cohérente, au contraire, c'est la cohérence même de cette logique structurelle qui les conduit à certaines limites, certaines questions qui paraissent difficilement dépassables dans ce cas. Par exemple, quand on parle de l'hédonisme de l'expérience, évidemment, faire la fête, résister, crier, faire des filets de samba très créatifs, ça fait partie du mouvement, c'est l'expression de soi, c'est tout à fait intéressant face au capitalisme très triste comme il l'avance. En même temps, est-ce que l'expérience en soi est vraiment un engagement? Est-ce qu'il suffit de faire la fête pour être militant? Et là, il y a un exemple tout à fait intéressant à Londres avec un mouvement très intéressant, très innovant à l'époque, Reclaim the Street, qui est un mouvement qui faisait des manifestations sur la rue essentiellement pour réclamer la rue comme espace public. En gros, l'idée que la rue, ce n'était pas uniquement pour un usage privé avec les automobiles qui passaient, mais que c'était aussi un lieu de convivialité où on pouvait faire la fête, se rencontrer entre voisins, etc. Et c'est un mouvement très intéressant et qui a donc une portée culturelle et politique très intéressante. Donc il se fait plein d'actions très intéressantes. Naomi Klein en parle un petit peu assez souvent dans le livre No Logo. J'en parle un petit peu aussi dans ce livre Alterization. Et donc un jour, ils ont fait leur grosse manifestation, leur plus gros succès numérique, à Trafalgar Square à Londres. Et ils ont commencé avec des gens qui sont arrivés avec des pancartes, des banderoles et une fête très politique en réclamant l'espace public, on va faire la fête. Et puis de plus en plus de gens sont arrivés là-bas, ils ont vu l'ambiance et tout, ils ont acheté quelques bières et comme il se doit en Angleterre, à la fin, quelques-uns ont bu un peu trop de bière, ont commencé à jeter les canettes sur les policiers et ça a dégénéré. Classique. Mais donc on peut quand même se poser la question, est-ce que cette fête, est-ce que les gens qui participent à cette fête, est-ce que c'est un acte militant en soi? Ou est-ce que l'expérience ne suffit pas en soi pour être militant? C'est une question tout à fait intéressante ici. Il y a aussi un aspect très sporadique de cet engagement, surtout du côté des jeunes altermondialistes. Où sont-ils passés? Ces gens qui passaient une semaine ou deux à discuter de changer le monde en 2002-2003, quand il y a eu la grande crise en 2008, on ne les a pas trop vus. Ils ont mis 2-3 ans à se réveiller à Wall Street, et encore, ils ne sont pas très nombreux, et c'est une autre génération. Et il y a vraiment un côté très sporadique, un engagement très fluide, qui a son côté très positif, qui est très intéressant. Et ils ont montré qu'avec des réseaux, ils peuvent organiser des choses considérables, des campements de 7-8 000 personnes. C'est très intéressant. En même temps, il y a un véritable problème de transmission de la mémoire, de construction de l'expérience. Et sans cesse, on voit les mêmes débats ressurgir. Et chaque fois, on a l'impression, les acteurs ont l'impression qu'ils réinventent le monde à chaque fois. Et qu'ils sont tout à fait originaux dans leur manière de décider, par exemple. Et donc, là, je suis sûr qu'Axel trouvera beaucoup de rapports avec les anarchistes du 19e siècle, et les altermondialistes ont toujours l'impression de réinventer totalement ces pratiques en partant de rien ou presque rien. Et au début, c'est toujours passionnant pour le chercheur, parce qu'on se dit, waouh, c'est un truc tout nouveau. Et puis, quand on fait le coup de la nouveauté pour la 5e fois, et en disant chaque fois la même chose, on a vraiment envie de dire, bon, c'est exactement ce que les autres faisaient il y a 5 ans. Mais il vaut mieux pas, parce que... C'est bien de voir les jeunes enthousiastes par rapport à la nouveauté. L'autre point intéressant, c'est celui du changement de soin, du changement local. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit de faire un petit changement, d'être sympathique avec ses voisins, de faire un immeuble convivial altermondialiste pour changer le monde? Là, il y a quand même un exemple d'une étude de cas passionnante et qui paraît la meilleure, je pense, à travers le monde, c'est le Mexique. Au Mexique, il y a depuis 20 ou 30 ans, des dizaines de communautés indigènes, de communautés urbaines qui sont très innovantes, qui sont tout à fait ancrées dans cette voie de la subjectivité, qui font plein de choses extraordinaires, avec beaucoup d'énergie, une police communautaire, un guerrero, il y a plein de choses. Les zapatistes sont juste un exemple qui a été très médiatisé, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc il y a plein de ces petits îlots d'antipouvoir au Mexique, des communautés non capitalistes, horizontales, féministes, enfin tout ce que vous voulez, fantastiques. Et bien sûr, ils ont amélioré la vie des gens qui sont dans ces communautés. En même temps, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont changé le monde? Est-ce qu'ils ont changé le Mexique? Est-ce que le Mexique va mieux aujourd'hui avec ces quelques dizaines d'îlots ou il y a 20 ans? Ça ne fait aucun doute que la situation du Mexique aujourd'hui est bien pire qu'il y a 10 ans, que la violence est très importante, les politiques sont extrêmement néolibérales, très autoritaires, la violence policière est quotidienne. C'est un pays en plein déclin et l'un des pays les plus néolibéraux aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est assez clair que le petit changement local est sans doute intéressant, mais ça ne semble pas suffire. Une série d'autres limites et dérives parfois de ces mouvements, que je reprends assez largement dans le livre pour ceux qui s'intéressent. Je ne vais pas trop m'y arrêter. Je vais plutôt passer à l'autre côté, l'autre voie, donc cette voie qu'on a beaucoup mis en France, qui a été très médiatisée, avec Attac et beaucoup d'autres organisations, et qui était vraiment, vraiment assez extraordinaire quand même de voir, de passer les samedis à voir des jeunes retraités qui, pour la première fois de leur vie, lisent un livre de macroéconomie, qui s'intéressent à des questions aussi abstraites, aussi embêtantes que la taxe Tobin ou la dette du tiers-monde ou d'autres choses. C'est vraiment un mouvement d'éducation populaire tout à fait considérable qui a fait en sorte que des gens s'intéressent à des problèmes tellement éloignés de leur vie, tellement abstraits et tellement techniques. Là, c'est vraiment, je pense, un grand succès, ça reste un grand succès de ce mouvement. Et on voit bien que ce n'est pas tout à fait la voie de la subjectivité ou plus ou moins pour s'amuser. Ici, ce qui compte, c'est moins l'expérience que l'expertise. L'expertise que je définis un peu comme une connaissance technique et abstraite sur une question précise, comme la taxe Tobin, les paradis fiscaux, etc. Il s'agit donc plutôt de, pas tellement de vivre autrement, mais de remettre en cause l'idéologie néolibérale à partir d'une expertise bien construite, à partir d'arguments scientifiques très bien développés, avec un grand rôle des intellectuels au début du mouvement, et par la suite aussi, il y a une série de réseaux, notamment ici à Nanterre. L'expertise, la connaissance est tout à fait centrale ici. Une connaissance qui est bien sûr là pour essayer d'influencer les décideurs politiques. Il faut les convaincre, il faut voir comment ils peuvent adopter de meilleures lois, il faut les éclairer. En général, ils sont assez demandeurs, puisqu'il y avait une telle, surtout à l'époque, maintenant, sûrement maintenant aussi en fait, il y a une telle méconnaissance en fait des dossiers techniques qu'ils sont assez demandeurs d'une expertise un peu alternative. Donc c'est un aspect important, ce lien avec les politiques, mais c'est aussi une expertise qui est très utile au niveau interne dans le mouvement, puisque c'est un mouvement où l'éducation populaire était centrale. Il s'agissait en fait de convaincre chacun des militants de la pertinence de ces mesures, de la pertinence d'une taxe Tobin ou d'autres choses. Et donc l'éducation populaire était très importante, chaque militant voulait être convaincu de cela, et en même temps on militait plutôt pour une citoyenneté active, et pour arriver à cette citoyenneté active, il fallait bien travailler un petit peu, il fallait bien savoir de quoi il s'agit quand on parle des grands débats économiques. Bon, il y a quelques associations comme Attac et d'autres, j'y reviendrai. La conception du changement ici est assez différente de la voie de la subjectivité. C'est pas un changement qui commence au local par le changement de soi. C'est un changement dans lequel tout cela est beaucoup plus abstrait et souvent très économique. Pas uniquement, il y a aussi le droit, les OGM et d'autres sciences qui sont invoquées, mais c'est quand même souvent très économique. Et je crois que ces experts partagent avec leurs amis néolibéraux, ou en tout cas leurs amis des institutions internationales, un côté très économiciste, une espèce de réduction du monde à l'économie. Il expliquait par exemple à l'époque, en 2001, que la guerre en Afghanistan s'expliquait uniquement par la faim dans le monde, par tous les paramètres économiques. C'est parce qu'il y avait la pauvreté, que les gens devenaient terroristes, etc. Donc là, je comprends que ça peut être un aspect, mais enfin, il y a quand même aussi des aspects culturels, il y a aussi une série de conflits, d'autres conflits politiques notamment, il y a quand même pas que l'économie. Jacques Nikonoff a fait une excellente lettre, vraiment très, très bien faite, que je reprends très longuement dans le livre, à propos du tsunami en Asie, en expliquant qu'en fait, c'était essentiellement un problème économique. Alors quand même, il y a quand même une vague qui est passée par là, c'est pas uniquement économique. Et donc il y a une réduction, ici à l'économie, qui est très forte, et qui est tout à fait partagée entre ces altermondialistes et leurs adversaires. Ce qui compte ici, donc, pour changer le monde, c'est avant tout des régulations. De préférence, les plus globales possibles. Et donc, si on peut faire une régulation globale, comme la taxe Tobin, au niveau global, ce serait parfait. Sinon, on peut aussi faire ça du haut vers le bas, donc top-down, au niveau national. Donc, c'est déjà bien d'avoir une régulation nationale qui ensuite s'applique dans tout l'État. Et donc, c'est une vision beaucoup plus institutionnalisée, dans laquelle on demande aux institutions internationales de réguler le changement climatique, la culture, le commerce, évidemment. Il n'a jamais été question pour eux de supprimer toutes les organisations mondiales du commerce, ils voulaient une autre organisation mondiale du commerce. Et donc aussi une vision du changement dans laquelle les acteurs politiques ont un rôle beaucoup plus important. Donc ici, plutôt que d'anti-pouvoir, c'est plutôt de contre-pouvoir qu'il s'agit, un peu en prenant Montesquieu, un peu revu pourquoi pas par Rosa Vallon avec la contre-démocratie, en disant qu'il faut un contrepoids face à tous ces acteurs économiques, face à tous ces journaux néolibéraux, il faut que quelques personnes portent une parole un peu différente, des analyses techniques de la même qualité, mais qui vont dans le sens inverse, ou de meilleure qualité de préférence. Donc c'est plutôt le contre-pouvoir, et puis c'est un mouvement qui est quand même essentiellement orienté vers une certaine efficacité, c'est-à-dire qu'il faut avant tout arriver à développer assez rapidement de bons arguments et les diffuser massivement auprès des politiciens et de la population. Ici, il y a quand même une grande différence entre la voie de la raison et la voie de la subjectivité, c'est que d'un côté, l'expérience, on ne peut pas la déléguer. On peut pas, personne ne peut parler au nom de l'expérience de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'unique, chacun a son expérience. Ce qui permet à chacun finalement d'agir très vite, puisque si c'est sa propre expérience qui est en jeu, tout le monde peut faire quelque chose, et en même temps qui pose bien des problèmes, puisque la délégation est toujours problématique. A l'inverse, l'expertise exige une certaine délégation. Et par exemple, un très bon texte sur l'individualisme de Durkheim, où il explique qu'il faut déléguer une partie de sa connaissance, il faut faire confiance à certains experts. Personne ne peut être expert en même temps sur la taxe Tobin, les OGM, les paradis fiscaux et tant d'autres thèmes sur lesquels les altermondialistes se sont appliqués. Et donc, ce qui fait qu'en fait, avec cette délégation, avec cette attrait vers l'efficacité, puisqu'il s'agit de transformer la politique, etc., il y a quand même eu assez souvent des dérives, clairement, qui ont orienté un mouvement qui était en fait contre la technocratie, contre cette délégation aux experts du pouvoir de décision à l'OMC, etc., ou dans toutes les instances, et qui en fait est assez régulièrement devenu un mouvement qui a renforcé la technocratie au niveau interne, qui on a vu au niveau interne de nouveau quelques experts parler au nom de tous les militants sans que les militants aient beaucoup de choses à dire. Par exemple, en 2002, le 19 janvier 2002, il y avait un grand show Attaque au Zénith. Donc Attaque remplit le Zénith, 7000 personnes. Et ce jour-là, on présente le manifeste 2002 d'Attaque, en même temps à la presse et aux militants. Donc en gros, les militants découvrent le manifeste d'Attaque en même temps que la presse. Ils n'ont absolument rien eu à dire, aucune consultation dans une association qui parle sans cesse de la démocratie participative. On voit exactement la même chose au Mexique. Il y a un long exemple dans le livre sur l'organisation de la manifestation de Cancun, avec des intellectuels qui décident tout à la place des gens, des militants locaux, qui les convoquent pour les informer. Et puis finalement, les militants plus locaux disent ben finalement, si on n'a rien à faire et rien à dire dedans, on va juste pas y aller. Et donc à la fin, ils se sont retrouvés avec un. Il s'appelait ça le Forum des peuples qui devait réunir tout le monde, qui a reçu pas mal d'argent d'ailleurs pour le faire, qui s'est réduit à une seule séance parce que personne n'est jamais arrivé. C'était le cas aussi au Forum social mondial. Le Forum social mondial a quand même été essentiellement une initiative de quelques intellectuels au début. Et puis, évidemment, quand on parle de rassembler 15 000, puis 50 000, 100 000 personnes en 2003, il faut quand même aussi une certaine institutionnalisation qui suit. Et donc là, l'efficacité l'a assez rapidement emportée. Le problème en 2003 pour les organisateurs, c'était comment caser ces foules, pour reprendre l'expression d'un militant brésilien. Caser les foules, vraiment, pour dire que les militants de base sont réduits à un problème, c'est une foule qu'il faut caser, et pas une source de créativité. La solution, très simple, on invite Noam Chomsky et Vanna Shiva et quelques autres, on prend un stade de basketball et on met tout le monde dedans. Comme ça, c'est vraiment une participation. C'est un activisme passif pour une citoyenneté active. Et donc, avec tout le paradoxe que ça crée dans toutes les associations. Et donc, encore une fois, ce n'est pas du tout un problème personnel, psychologique ou même culturel. Il y a vraiment une explication, je crois, un peu plus structurelle d'une logique cohérente dans ce mouvement. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans le mouvement altermondialiste, après avoir isolé de manière heuristique ces deux logiques d'action avec une technique qui emprunte un petit peu à l'idéal-type et un petit peu à la sociologie des mouvements sociaux dans la Touraine, ce qui m'intéressait, c'est en fait finalement de voir leur combinaison ou leur rencontre. Puisqu'en effet, je l'ai dit au début, aucun acteur ne se réduit à l'altermondialisme, aucun acteur ne se réduit non plus à une de ces deux logiques. On retrouve les deux logiques de la voie de la subjectivité et de la voie de la raison dans chacun des acteurs de l'altermondialisme. Attaque, par exemple, que j'aime beaucoup citer comme exemple de la voie de la raison. En fait, quand on va voir les associations locales d'attaque, on parle beaucoup de culture, il y a des groupes de théâtre, il y a une convivialité, il y a la créativité. Tout ça, ça compte beaucoup dans Attaque, surtout au niveau local. Quand on parle des abattistes, l'exemple qui incarne peut-être le mieux, la voie de la subjectivité. Si on lit les communiqués zapatistes des deux ou trois premières années, les trois quarts des pages parlent du traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA en français, Et donc on voit toutes les analyses techniques de la pauvreté, etc. Et donc il y a aussi bien sûr cette voie-là qui est tout à fait présente dans le mouvement zapatiste. Et il n'y a pas un seul mouvement dans lequel les deux sont isolés. Et donc ce qui m'intéressait, c'est de voir un peu comment ces deux voies se rencontrent, comment que ça se combine. Et je les ai vus très souvent dans le discours des mêmes militants. En fait, les militants passent de l'une à l'autre dans un même discours, sans se rendre compte qu'en fait ces deux voies ont quand même des logiques très différentes. Et donc ils ont un discours qui parfois peut paraître incohérent si on n'a pas cette grille d'analyse. Et donc comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ben, dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas je dirais, ils ne se sont pas vraiment rencontrés, ils ont réussi à être l'un à côté de l'autre sans que les gens se rendent compte que juste à côté les gens disaient pas tout à fait la même chose qu'eux. Et donc là ils ne se comprenaient pas tout à fait. J'ai vu par exemple dans un endroit à Porto Alegre, il y avait d'un côté les jeunes altermondialistes qui se réunissaient dans un petit une discussion très démocratique, et puis j'étais avec le coordinateur du Forum social de Belgique qui me dit qu'ils sont très sympathiques ces gens-là, mais qui va relayer leur message? Qui va dire ce qui se dit ici? Il n'y a pas de journaliste ici, qui va porter leur message? Personne ne saura jamais ce qui s'est dit là-bas. Et puis à l'inverse, sur la même petite place, d'un peu plus loin, on voyait une très grande pancarte, non, une bannière des ONG qui était immense, qui était l'action contre la faim, je ne sais pas, en fait, on devait avoir un petit bandeau blanc, etc. en 2005. Et donc là, les jeunes altermondialistes me disent « Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils auraient mieux fait de dépenser cet argent autrement. Ça sert à quoi de faire une campagne aussi verticale où on dit le message qu'il faut dire et ça ne sert à rien. » Et donc de chaque côté, en gros, très souvent, ils trouvent que l'autre est plutôt sympathique, mais ça ne sert quand même pas à grand-chose. Dans quelques cas, c'est une confrontation claire, assez souvent même. Les Black Blocs, concrètement, ils sont pris pour des gens qui sont complètement fous, qui ne font pas partie du mouvement, qui sont très dangereux, qui nuisent à l'image du mouvement, pour prendre quelqu'un pourtant très intelligent et qui a été passionnant dans ce mouvement, Suzanne George. Elle expliquait que les Black Blocs, c'était le diable. Il fallait absolument pas se mêler à eux, ils étaient très méchants, et voilà. Quand il y a eu ce Black Bloc qui a été tué à Gênes, les militants d'Attaque France applaudissaient, ils disaient que c'était de sa faute. Il n'y a qu'à pas être Black Bloc. Et donc, on voit vraiment là une logique quand même d'affrontement assez forte. Et à l'inverse, les Black Blocs ne sont pas privés de temps en temps de jeter quelques pierres sur les leaders experts altermondialistes en disant ces gens-là, ce sont ceux, eux, ils veulent nous voler notre mouvement, ils veulent refaire un mouvement vertical, ils veulent réinventer. Ce qu'ils veulent, c'est s'intégrer au système politique et ils profitent de nous et pour transformer notre mouvement. Et pour, en fait, c'est le moyen que le système a trouvé pour récupérer notre mouvement. Donc on voit là un affrontement. Un bon exemple, sans doute, c'est le Forum social européen de Londres en 2004, où ils se sont disputés pendant tout le forum, où à la fin, quand un jeune qui n'était pourtant pas si anarchiste que ça, a voulu prendre la parole lors du discours de clôture, il y avait un petit podium à la fin de la manifestation. Quand il a essayé de monter sur la scène pour prendre la parole, ils ont appelé la police, il s'est fait arrêter, il a passé 2-3 jours en prison. Et donc là, c'était pour le moins opposé, alors qu'ils étaient tous altermondialistes. Et puis, il y a quelques cas quand même, où c'est une rencontre assez fructueuse, une combinaison sous tension, toujours problématique. Il y a toujours des tensions partout, mais qui est intéressante et qui, je crois, fait évoluer le mouvement altermondialiste. Par exemple, je vous parlais de ce petit forum social mondial en 2003 avec 100 000 personnes, dont quelques milliers qui écoutent les grands intellectuels, les pontes de l'altermondialisme. Évidemment, ça n'a pas plu beaucoup à tous les jeunes militants qui voulaient, eux, plutôt avoir un forum participatif. Le fait qu'il y ait, par exemple, en 2001 et 2002, un espace VIP au Forum social mondial, alors là, ça, ils n'ont pas aimé du tout. On peut comprendre, vraiment, au Brésil, à cette époque-là, il fait très chaud, très humide, c'est dur. Et comme la plupart des personnes importantes, entre guillemets, au Forum ont en général les cheveux blancs, plus de 65 ans et viennent du Nord, c'est difficile. Donc, il fallait un petit espace avec l'air conditionné, de l'eau. Et donc, il y a eu, contre cet espace, il y a, par exemple, une manifestation des altermondialistes contre une partie du forum en disant on est tous des VIP. Ils ont fait une petite bataille d'eau là-bas, très symbolique, c'est très amusant. Après ça, il n'y a plus jamais eu d'espace VIP dans un forum. Et au-delà de ça, il y a donc toute une contestation qui s'est faite en disant que le forum était bien trop vertical, qu'il ne fallait pas que ce soit que les leaders qui parlent, qu'il y avait bien plus de choses à dire au forum. Et on a vu, donc après un passage à Bombay qui était déjà un forum plus décentralisé, en 2005, un forum tout à fait impressionnant, avec 170 000 personnes, et pourtant, il n'y avait pas une tente qui était pour plus de 500 personnes. Et donc, il y a eu des centaines d'ateliers. La plupart du temps, quand il y avait 100 personnes dans un atelier, ils se séparaient ensuite en groupes de 10 à 15 personnes, Ce qui fait qu'après une petite introduction, chacun pouvait intervenir, partager son expérience, et tout le monde, là c'était pour le coup, une participation très active au forum. Et donc je crois que c'est un bon exemple en fait d'évolution par la rencontre de ces deux logiques internes. Je crois d'ailleurs aussi que le mouvement plus récent en fait montre bien cette rencontre de mouvements de deux logiques internes. Par exemple, on les voit bien dans le mouvement écologiste, dans le mouvement pour la justice climatique, contre le changement climatique, où en effet on a tout à fait les deux voies de la raison, de la subjectivité, en même temps les experts qui se rencontrent, et puis à côté de ça on fait des contre-sommets très créatifs. On nous demande en même temps de changer notre mode de vie avec la simplicité volontaire où on est venu à la lumière en sortant d'ici. Et puis en même temps, c'est des choses très techniques où il faut une régulation, il faut des négociations politiques, etc. Et donc on retrouve ça dans d'autres mouvements, et je crois qu'on retrouve aussi ça en partie dans les alignés. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et donc, je vais quand même parler un petit peu aussi de la question qui... occupait cette conférence. Cette question sur est-ce que c'est un mouvement global, qui est une question intéressante, un peu compliquée, mais à mon avis moins intéressante que le terrain concret. Est-ce que c'est un mouvement global? Mais il y a d'abord évidemment toujours une question ici, une question sur il y a un débat peut-être entre le transnational et le global. Est-ce que c'est un mouvement plutôt international, dans lequel donc, les logiques nationales restent assez importantes, mais on va au-delà du national? Par exemple, De La Porta et Etaro distinguent des processus de diffusion, une manière, comment certaines manières d'agir, certains répertoires d'action se diffusent à travers le monde, bien, très rapidement au-delà des frontières. On le voit par exemple aujourd'hui avec les Adignés, comment est-ce qu'on passe de la place Tariq à Madrid, puis à Londres, New York, et comment est-ce que c'est en même temps assez différent, et en même temps c'est assez semblable, c'est tout à fait intéressant. Et donc d'un côté il parle de processus de diffusion, de domestication aussi. Donc, domestication, c'est pour dire qu'il y a un déploiement sur un territoire de conflits qui ont une origine à l'extérieur. Donc on fait par exemple, depuis longtemps, contre l'apartheid, on fait des mobilisations dans toute l'Europe ou aux États-Unis. Et puis aussi, évidemment, une externalisation, le fait que certains conflits, parce qu'il y a des gens qui circulent, ou parce qu'il y a parce qu'il y a des instances supranationales, on les invoque pour régler certains conflits nationaux. Donc c'est ça qu'ils appellent l'externalisation. Par exemple, on va demander, je ne sais pas, à l'ONU d'intervenir par rapport à certains conflits au niveau des droits des indigènes, ou à l'OMC, à la Banque mondiale, qui est assez régulièrement un allié aussi de la société civile. Et donc là, il y a trois principes: processus de diffusion, domestication, externalisation. Ok, c'est plutôt de l'ordre du répertoire d'action. Et donc là, c'est plutôt transnational, et c'est le terme dominant. Hein, quand on organise un colloque autour de ce thème-là, c'est toujours comment étudier les mouvements sociaux transnationaux, pour reprendre le thème du colloque qui a lancé le Centre des mouvements sociaux à Göteborg il y a quelques semaines. Et partout, c'est les mouvements sociaux transnationaux. Je crois, moi, qu'il y a aussi une petite place pour le global, pour distinguer un petit peu, en tout cas, quelque chose de global, en disant qu'à la fois qu'il y a une signification du mouvement, des enjeux qui sont profondément globaux, qui sont du fait, pour prendre par exemple Martin Harbour avec son célèbre livre sur l'âge global, l'idée en fait que le global, c'est quand même quelque chose en soi, c'est l'idée d'une humanité dans son ensemble, avec qui est donc, on atteint aujourd'hui le niveau de la planète quand on parle de notre monde, alors qu'auparavant l'idée qu'on vivait dans un monde qui est un peu plus limité, moins étendu plutôt, donc on avait l'idée qu'on vivait dans un monde occidental ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui de plus en plus on a l'idée qu'on vit sur une planète qu'on partage, et l'enjeu c'est de partager les ressources limitées de la planète, et donc on est dans un monde qui est plus grand certainement, mais aussi pour la première fois un monde limité. Et donc là, il y a clairement des significations globales, des enjeux globaux, des institutions globales. L'OMC est quelque chose de plus que la somme de tous les États qui en font partie. Là, on reprend même plus qu'à Durkheim. Sans aller jusque-là, ça montre bien comment le global a sa logique propre, sa densité, sa consistance. Et donc il y a, bien sûr, le niveau international, le niveau national, le niveau international, continental, etc. Il y a des accords entre les États, et puis il y a aussi, je crois, un niveau d'analyse qui est le niveau global, dans lequel il y a un peu plus que la somme de toutes les parties qui le composent. En sachant que cette idée de mouvements globaux et même transnationaux, ça va de pair avec une série de, avec plein d'autres transformations des mouvements sociaux. Par exemple, l'importance des réseaux aujourd'hui. Par exemple, je sais pas, les répéteurs d'action qui sont plus médiatiques. Et donc, il y a toute une série de transformations qui vont de pair avec ce niveau d'action qui devient un peu plus important, qui serait le global, et qui n'est donc qu'une seule des composantes du mouvement. Il y a aussi, par rapport au global, je crois, et c'est là que je suis assez sensible, il y a finalement dans ce mouvement intermondialiste et dans d'autres mouvements un effort pour essayer d'être global, pour se penser comme citoyen du monde. Et donc, c'est un aspect subjectif qui me paraît vraiment important. Il faut, je crois, en prendre en compte. Il y a à la fois l'aspect matériel et l'aspect subjectif de la réalité globale. Et puis, c'est un mouvement qui va profondément au-delà de l'État-nation. Donc, l'État-nation est un niveau qui reste important, mais qui n'est pas central pour expliquer ce mouvement. Sauf pour quelques amis français. Comme par exemple le livre, comment s'appelait-il, L'intermondialisation, la longue histoire de nouvelles causes, qui avait été coordonné à l'époque par Henri Kolonski, Filleul et Nona Meyer, qui explique en gros que le mouvement est très ancien, ne fait que recycler quelques anciennes causes et qu'il est essentiellement français. Il y a un chapitre qui parle de l'international sur les 10, je crois. Donc, c'est quand même tout à fait étonnant. Il faudrait étudier le regard français sur le global, ce serait passionnant. Cela dit, quand on parle de transnational, global, finalement, la question qu'on est toujours derrière, c'est est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que ça a l'air intéressant, un nouveau terme, un nouveau concept ? Waouh, ça a l'air, il faut voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est nouveau ? Ben, d'un côté, il y a toujours eu des internationales ouvrières. Le 1er mai, ça fait bien longtemps qu'on le fait dans de nombreux pays. Les contre-sommets, qui a l'air une grosse nouveauté, on en retrouve depuis 1887. Avec un sommet qui avait lieu à Amsterdam, ou non, plutôt à La Hague, aux Pays-Bas. Et donc là, il y avait déjà un contre-sommet international, et donc ça ressemble un petit peu aux altermondialistes, peut-être. Ce qui allait être un peu plus nouveau, c'est en effet un caractère massif. C'est le fait qu'il y a quand même autant de monde qui se mobilise par rapport à des enjeux très globaux, qu'il y a des institutions internationales qui sont devenues les principaux adversaires, c'est même plus au niveau de l'État. Qu'il y a une expérience, une manière de vivre ce global dans les mouvements. Et donc oui, il y a peut-être quelque chose de nouveau dans le fait que ces forums sociaux rassemblent des gens aussi différents, qu'ils unissent le Nord et le Sud, etc. Mais finalement, en fait, pour moi, pour la question du global, comme pour la question de l'altermondialisme, la question de la nouveauté, je n'ai jamais trouvé ça très intéressant. Et en fait, finalement, on s'en fout un peu que ce soit nouveau ou pas. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de dire que c'est nouveau ou pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre ce qui se passe maintenant. Il faut essayer de le comprendre, certainement qu'un point de vue important, c'est de prendre un recul historique, de voir ce qui se passait déjà avec les anarchistes du 19e siècle, avec d'autres mouvements précédents. Bien sûr, c'est important. C'est une manière de voir les choses actuelles. Il faut développer ça pour comprendre certains aspects, pour voir comment le mouvement pourrait évoluer, pour éventuellement. En même temps, je pense aussi qu'il est pertinent simplement de se pencher sur ce mouvement, en laissant de côté la question de la nouveauté ou du fait que ce soit ancien, et juste voir ce qui se passe, ce que les acteurs font, et comment ils se développent. Ça me paraît déjà en soi une question suffisamment large, sans se préoccuper beaucoup de la question de la nouveauté, qui est déjà largement traitée par de nombreux autres chercheurs, en sachant bien qu'en même temps, c'est toujours pareil en sociologie ou dans l'histoire, il n'y a jamais rien de tout à fait nouveau, et en même temps, c'est jamais non plus tout à fait une répétition. C'est donc entre l'idée qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et celle qui dit que l'histoire n'est qu'une éternelle répétition, c'est plutôt là, entre les deux, que se trouve la vérité. Et donc, j'écarte assez rapidement cette question de la nouveauté, tout comme j'écarte la grande question qui agite tous les autres Touréniens, ou presque. Est-ce que l'altermondialisme est un mouvement social ? C'est un peu pareil, en fait. Est-ce que c'est un mouvement social ou pas ? Ça intéressera 2-3 sociologues, et puis c'est tout. Donc, pareil, est-ce que c'est un mouvement nouveau ou pas ? Qui est-ce que ça intéresse, en dehors de quelques personnes qui peuvent écrire un livre là-dessus ? Et 2-3 qui peuvent le lire, mais ça paraît pas. Moi, ça me paraît pas des questions fondamentales, même si je sais que pour d'autres, ce sont des questions importantes. Mais là, je crois vraiment que je pense que c'est assez stimulant de ne pas se concentrer uniquement sur ce débat, en tout cas. Ensuite, quand on parle du global, il y a évidemment un certain nombre de travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Il ne faut pas non plus, et c'est ça que reprochent souvent les gens qui sont contre l'idée du global, qui assistent sur l'idée nationale. Je pense que c'est notamment parce qu'ils comprennent mal le global. Premièrement, plus de global, ça ne veut pas dire la disparition de l'État-nation, évidemment, et ça ne veut pas dire non plus moins de local. évidemment, il y a eu très souvent un renforcement concomitant du global et du local. Il y a aussi le renforcement du national dans certains cas. Ça montre que la globalisation n'est pas une désétatisation, mais au contraire la construction d'une globalité qui repose essentiellement sur les États. Martin Harbaugh, qui étudie le global, dit que ce qui est gagné en globalité n'est pas forcément perdu en localité. Et donc, je crois que c'est tout à fait exact, et je ne vois pas pourquoi le fait de dire qu'un mouvement est très global s'oppose au fait de dire qu'en effet, il y a aussi des dynamiques qui sont profondément françaises, liées au niveau national, qu'il y a des cycles de mobilisation peut-être particuliers, des cycles peut-être particuliers en France et dans chaque pays. Et donc là, il faut, je crois, vraiment développer une approche à différents niveaux, en sachant que ces niveaux, ce n'est pas tout à fait comme des poupées russes qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais qu'il y a aussi des actions qui passent d'un niveau à l'autre, des acteurs qui sont en même temps à différents niveaux. Et donc là, je pense vraiment qu'il ne faut pas tomber dans le nationalisme méthodologique, dénoncé depuis bien longtemps par Louis Beck, mais découvert plus récemment dans ces contrées. Ensuite, il y a aussi la question, évidemment, de l'accès à l'international. Il y a évidemment un lien important entre internationalisation et exclusion. Tout le monde n'a pas le même accès aux sphères, à la sphère publique tout court, et moins encore à la sphère publique internationale. Il y a une série de capitaux. Il faut du capital culturel, capital économique, du capital social pour arriver aux formes sociales mondiales, la plupart du temps. Parler dans une assemblée, ce n'est pas évident du tout. Il y a déjà une série de paramètres, même si c'est une assemblée locale. Pour arriver à avoir une influence aux formes sociales mondiales, il faut avoir l'argent pour avoir vu les deux ou trois réunions précédentes, pour savoir de quoi il s'agit. Il faut avoir les amis qui nous permettent d'arriver au conseil international. Il faut avoir le capital culturel et parler quelques langues de préférence, au moins l'espagnol et de préférence un petit peu d'anglais. Et donc évidemment, l'international, c'est aussi lié à une certaine forme d'exclusion. Il faut le dire, sans pour autant oublier que ce n'est pas parce que c'est local qu'il n'y a pas cette exclusion. Hein. Donc évidemment, il y a la même forme d'exclusion dans beaucoup de mouvements locaux. Et c'est vrai que beaucoup de mouvements sociaux ne sont pas si populaires que ça. Et enfin, je n'aurai pas le temps de l'aborder parce que je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Il y a aussi un lien très fort, et c'est un champ de recherche passionnant, qui a été établi entre l'internationalisation et l'institutionnalisation. Charles Tilly, par exemple, quand il parle d'internationalisation, il parle d'institutionnalisation. Il y a, quand on voit, quand il fait ses 3 ou 4 plans de développement futur des mouvements sociaux, c'est complètement lié. Il distingue à peine les deux. Internationalisation, ça veut dire internationalisation, institutionnalisation. D'ailleurs, le livre de référence à la matière, Cake et Seeking, qui sont vraiment les grosses références là-dessus, pour elle, le global, ce sont les ONG. D'ailleurs, mes amis travaillent beaucoup avec Mary Caldor, qui écrit chaque année son livre. C'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent aux mouvements sociaux et au global. Le Global Civil Society Yearbook, donc il y a chaque année un volume qui est édité là-dessus. Et au début, c'était 100% ONG, ou presque. Puis, un petit peu d'anticapitalisme, qui pour eux était le mouvement altermondialiste. Et puis, de nouveau, c'est revenu très, très ONG. En même temps, parce que ce sont les plus visibles, parce que ce sont les plus globaux, et puis aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour un chercheur d'avoir accès aux ONG sur Internet que d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Et ce qui me paraît intéressant et paradoxal, je pense qu'au moment même où sont parus et ont été diffusés massivement ces ouvrages importants sur les ONG, sur l'institutionnalisation des mouvements au niveau international, c'est en même temps qu'est apparu un nouveau monde d'internationalisation sans institutionnalisation. Et donc là, ce sera d'ailleurs, pour ceux qui le verront, c'est l'objet de ma contribution au prochain livre sur le Global Civil Society Yearbook, donc qui va sortir dans quelques mois. Et donc, je ne vais pas trop m'y attarder, mais juste pour vous dire qu'il y a, je crois, depuis une dizaine d'années, tous les éléments sont réunis pour que les mouvements puissent s'internationaliser sans s'institutionnaliser à ce point. Il y a une expérience très large dans le mouvement altermondialiste de contrôle de l'institutionnalisation. Par exemple, je disais, entre le Forum 2003 et 2005, il apparaît clairement que le Forum 2005 est moins institutionnalisé que le 2003. Et donc, ce qui veut dire que le chemin classique qui va vers plus institutionnalisé, plus ancien, non, plus internationalisé, plus ancien, et donc plus institutionnalisé, ce n'est pas le cas. On le voit avec l'évolution des forums qui sont beaucoup moins institutionnalisés aujourd'hui qu'auparavant. On le voit avec la résistance extrême du Forum social des États-Unis à cette institutionnalisation. Ce qu'ils ont fait, simplement, ils ont interdit aux ONG et aux gens qui avaient de l'argent de contribuer au forum, pour être sûr de ne pas être complètement phagocytés par les associations, les organisations institutionnalisées. Et donc, c'est un forum beaucoup plus décentralisé. Et puis, il y a une série de mouvements, de réseaux internationaux, d'acteurs de base, vraiment très, tout à fait de base, comme il y a Via Campesina, qui est quand même une association qui revendique 100 millions de paysans, qui est relativement institutionnalisée, mais pas pour tous les aspects. Et puis, il y en a d'autres, peut-être plus intéressants à ce niveau-là, qui sont des plus petits groupes, comme par exemple l'association des habitants, ou quelque chose comme ça, l'alliance des habitants, en français, je crois, ou une association qui s'appelle Slum Dweller International, qui est donc l'association des habitants des bidonvilles, quelques associations de malades du sida aussi, qui sont, ou les associations des éboueurs de Buenos Aires et de quelques autres pays d'Amérique latine. En fait, ce sont des associations qui ont réussi à s'internationaliser, à nouer des réseaux transnationaux, sans pour autant avoir une structure forte, centralisée, et donc davantage le lien avec la base, parce qu'il y a les moyens de le faire aujourd'hui avec les réseaux, avec Internet, avec les voyages qui sont plus simples, parce qu'il y a un soutien aussi de certaines institutions. L'ONU, par exemple, donne plus d'importance aujourd'hui aux mouvements moins institutionnalisés, et parce qu'il y a aussi une volonté claire, une réflexivité de ces mouvements qui ne veulent pas suivre le chemin classique de l'institutionnalisation. Bon, après j'avais prévu quelques autres trucs comme les alter-activistes et les alignés, ou l'altermondialisme face à la crise, mais je crois que ce sera pour une prochaine fois. On va peut-être laisser la parole pour quelques discussions. Peut-être des questions vont amener à ça directement. Merci beaucoup Geoffrey pour ta présentation. Sans plus tarder, je vous laisse à nous, vous laissons directement la parole pour des questions, remarques. Critiques et autres. Bonjour. Allez. En fait, je vais vous poser la question de Vandigny. Désolée. Je ne suis pas du tout sociologue, donc je suis un peu néophyte par rapport à la réponse. Par contre, je me demandais, parce que vous parliez de vos terrains, de vos divers terrains sur lesquels vous êtes resté longtemps, vous dites plusieurs années. Moi j'ai l'impression que dans votre présentation vous parlez beaucoup des forums sociaux. Je me demandais comment vous avez fait, vu que j'ai pas vraiment compris, comment vous avez fait pour sélectionner des terrains justement avec un objet qui est aussi, aussi large. Vous dites que vous avez travaillé en Amérique du Sud, vous êtes parti au Mexique. Oui. Voilà. Quel mode de sélection vous avez opéré pour ces terrains? Est-ce que c'est des gens que vous avez rencontrés sur un forum social? Est-ce que c'est... Voilà, donc ça c'était mon première question juste au niveau de votre méthode. Et aussi je me demandais, vous dites comment devient-on, comment être acteur de cette mondialisation? Là vous abordez justement la question des indignés. Moi je me pose une question justement, comment se fait-il que dans certains pays, cette globalisation ne prenne pas? Par exemple, il y a pas mal de débats en France sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de structure d'indignés en France. Voilà, c'est peut-être un petit peu culturaliste, mais je sais pas. Donc, sur la méthode, en fait, en général, j'ai une conception très anarchiste de la science, de Feyerabend. Feyerabend. Et donc, c'est vrai que j'aime pas beaucoup les questions de méthode, etc. Et en plus, je pense que ça se passe pas comme ça, en fait. Concrètement, une partie de mes terrains sont un peu dues au hasard. Par exemple, le Mexique. D'abord, il se fait que je n'ai jamais choisi, mais j'ai été mis à la maison de Mexique quand je suis arrivé à Paris. Et puis, j'avais un peu entendu parler des zapatistes, et donc je trouve ça plutôt sympathique. Et surtout, je pensais qu'en 2002, il était prévu. En fait, on avait annoncé au Forum social mondial 2001 ou 2002 que la prochaine grande réunion de l'OMC aurait lieu au Mexique en octobre 2002. Et en fait, c'est en octobre 2003. Et donc, moi, je suis passé sur 2002. Et je suis allé au Mexique pendant 3 mois pour suivre quelque chose qui n'avait pas lieu. Ce qui fait que je suis retourné après pour... et là, je connaissais bien tout le monde. Quand Cancun a lieu, j'ai malheureusement écrit très peu là-dessus, mais je connaissais très bien tout ça. Enfin, donc tout ça pour dire, je pense qu'il y a certainement une part de hasard dans la recherche et que je n'y ai absolument pas, je ne cherche pas à cacher. Et pour le reste, moi, ce qui m'a semblé le plus important, c'est moins d'avoir une méthode et une grille claire, une grille d'administration. Ça pose toujours des problèmes parce que chaque fois qu'on veut une bourse, chaque fois qu'on veut... un projet de recherche, il faut toujours dire à l'avance ce qu'on va trouver et où on va le trouver. Alors que pour moi, la recherche, c'est plutôt essayer de comprendre des choses et on ne sait pas ce qu'on va trouver, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver avant d'aller sur le terrain. Par exemple, ces deux voies de la voie de la raison, de la voie de la subjectivité, j'en avais aucune idée de tout ça, et même j'ai pas d'idée de la question. Avant la quatrième année, je crois, quand je me suis dit qu'il fallait quand même bien écrire quelque chose. Et donc là, oui, je pense en effet, je pense que l'essentiel, c'est... À l'époque, mon directeur de thèse m'a donné un très bon conseil avant d'aller au Mexique. Il m'a donné deux conseils d'ailleurs pour vos deux questions. Le premier, c'est de dire... Donc moi, j'ai construit toute une série d'hypothèses, plein de choses très compliquées sur le mouvement altermondialiste au Mexique. Il m'a dit, allez là-bas, ouvrez les yeux, voyez ce qui se passe, et ce sera déjà très bien. Et donc, j'ai fait à peu près ça. Rappelle peut-être qui était ton directeur. C'est Michel Béborquin. Ensuite, je lui ai dit, en fait, moi, la question qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas de mouvement altermondialiste au Mexique, alors qu'en fait, les zapatistes sont assez actifs. Et donc, c'est un pays très frappé par la mondialisation néolibérale. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grand mouvement du type attaque? Puisque pour moi, à l'époque, les altermondialistes, c'était attaque. Et la voie de la raison, en gros. Alors, il m'a dit, vous savez, c'est déjà très compliqué d'expliquer pourquoi il y a des mouvements sociaux. Alors, s'il faut expliquer pourquoi il n'y en a pas, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'idées. Juste, à mon avis, des spéculations qui peuvent être intéressantes. Mais je crois que c'est difficile d'expliquer pourquoi il n'y a pas de mouvements sociaux. Et déjà, en expliquant quand il y en a, comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, c'est déjà pas mal de boulot. Donc voilà pour le début de la deuxième question. Maintenant, bon, et je vais quand même un peu revenir sur la méthode. Je pense qu'en effet, ce qui m'a paru important, c'est plutôt d'ouvrir les yeux et de faire en sorte de toujours confronter ces hypothèses au terrain d'une manière assez rigoureuse et claire. Et ce qui veut dire qu'en fait, on est sans cesse chamboulé et qu'on revient avec des choses auxquelles on ne pensait pas du tout. Et dans cette perspective aussi, je crois que mon approche n'est pas comparative dans la mesure où ce que j'essayais de comprendre, c'est un mouvement qui regroupait le Mexique et plein d'autres cas. Et pas de comparer la France et le Mexique, mais en même temps, la comparaison est un peu implicite, puisque quand je suis parti au Mexique, j'ai vu qu'il n'y avait pas... Il y avait des petits groupes qui ressemblaient un petit peu à l'attaque, qui étaient intéressants, et aussi avec des leaders très forts, etc. Mais en fait, c'était un altermondialisme beaucoup plus culturel, subjectif, etc. Et donc, du coup, après, je suis revenu en France, et j'ai vu qu'en France, il y avait tout ça aussi, sauf que je ne l'avais pas bien vu avant. Et donc là, je crois que les allers-retours entre le terrain sont très importants pour ça. Et je pense aussi des séjours très longs qui permettent de comprendre les acteurs, de voir aussi la différence entre leur discours et leur pratique. Et voilà, sinon pour les choix du terrain, oui, donc je suis allé quelques temps au Mexique, j'étais en Argentine parce qu'en effet, à l'époque, il y avait un mouvement piquetero très important et donc c'était tout à fait passionnant. Plutôt aux formes sociaux mondiaux, je pense que oui, le niveau global est un niveau important. Et puis je me suis dit au début, j'ai eu la chance d'aller deux fois et puis je me suis dit, bon, ce serait dommage de rater les suivants. Ouais, il vaut mieux les avoir tous vus pour écrire un livre sur l'intermondialisme quand même. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après j'ai fait quelques terrains, oui, quand il y a une manifestation un peu plus globale en Allemagne, en Italie ou en Angleterre, ou en Espagne, c'est pas très loin, j'y allais. Et évidemment quand ça se passait en France aussi. Voilà pour ma sélection, vous voyez des critères très rigoureux de choix de terrain. Mais que je revendique tout à fait, je pense qu'il faut faire la différence entre l'idéal de la recherche et ce qu'on écrit dans les livres et l'application. Et je mets au défi ceux qui construisent un plan idéal de recherche de voir comment ils l'appliquent. Et s'ils l'appliquent, à mon avis, ils trouvent ce qu'ils cherchent et c'est tout. Ça m'intéresse pas beaucoup. Après, si j'avais eu beaucoup plus de moyens, évidemment, j'aurais aussi voulu apprendre l'hindi, aller voir ce qui se passe en Inde, j'aurais voulu faire beaucoup de choses. Mais j'étais malheureusement tout seul, j'ai juste pu apprendre l'espagnol, un petit peu d'anglais. Et c'est ce que j'ai pu faire. Cela dit, je pense qu'en même temps, ce qui est intéressant, c'est, je le disais, l'aspect collaboratif qui était pas assez présent ici, mais qui était plutôt le fait de me confronter à des chercheurs qui venaient un peu partout. J'ai eu beaucoup d'amis américains, des anthropologues notamment, qui travaillaient sur le mouvement aux États-Unis, d'autres en Inde. Je fais toujours partie du réseau indien là-dessus. Et donc, ce qui fait en fait qu'il y a quand même toute une génération de chercheurs qui se lisaient. Et donc là, il y a quelques éléments indiens qui sont rentrés peut-être par là. Et donc voilà. Sur les alignés, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en France? C'est une question intéressante. L'autre question, ce serait plutôt de dire qu'est-ce qu'ils font ces alignés, mais ce qui m'intéresse plus, après, s'ils sont en France ou pas. Voilà, je dirais quand même que. Oui, ça met clairement en avant certaines limites de la mondialisation, de la transnationalisation des mouvements sociaux. Et donc là, tous mes collègues et amis du groupe de l'Association française des sciences politiques ont raison de dire que le cadre national reste très important, qu'il y a des cycles de mobilisation nationaux qui sont très importants. Et je dirais même que depuis peut-être 2005-2006, il y a un retour beaucoup plus important du niveau national sur le niveau européen et voire global. C'est comme il y a en 2000-2001, on voyait beaucoup de manifestations européennes, autour de Renault Vilvoorde, autour de quelques autres cas, dans toutes les usines Renault, par exemple, d'Europe. On voyait les marches des chômeurs qui allaient qui marchaient sur Bruxelles, etc. C'est quand même assez extraordinaire de voir aujourd'hui que les Grecs manifestent depuis 2 ou 3 ans sans que personne s'en aperçoive vraiment, sans qu'il n'y a pas grand-chose comme solidarité internationale. Si les Allemands manifestaient, c'est plutôt contre les Grecs. Ensuite, on voit les Portugais, les Italiens qui manifestent. Le mouvement Viola, il y a à peine 2 ans quand même, qui était très proche des alignés. À mon avis, c'est tout à fait ça, en fait. Sans qu'il y ait beaucoup de choses au niveau international. On voit tous ces mouvements très nationaux. Et donc là, c'est intéressant de voir en même temps une diffusion assez globale des répertoires d'action et en même temps des cadres qui restent extrêmement nationaux et qui sont tout à fait inappropriés par rapport aux politiques qui sont pour le moins européennes. Il n'y a pas de solution aux problèmes espagnols sans passer par l'Europe. Et donc il a fallu quand même attendre bien longtemps avant qu'ils fassent une petite marche vers Bruxelles qui a eu un succès très, très limité. Et donc là, l'idée des altermondialistes qui me paraissait importante, qui me paraissait un succès relatif, de dire qu'il faut dépasser le cadre national, qu'il y a des enjeux globaux, c'était important, ils n'ont pas maintenu très longtemps, et ça reste toujours limité, évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions, tout le monde n'est pas cosmopolite, tout le monde n'a pas accès à tout ça. Le mouvement d'indigné, c'est aussi manifestement en partie une réaction à la crise, et il faut croire qu'en France, la crise n'a quand même pas affecté la vie des gens autant qu'en Espagne ou en Angleterre. Et puis il faut dire aussi que finalement, les alignés, c'est un mouvement qui est un mouvement, à mon avis, très largement médiatique, sauf peut-être en Espagne, en Grèce, à l'époque en Italie. Mais vous voyez par exemple à Londres, où ils ont un impact considérable. Pour la première fois, je ne les ai pas tous lus, mais on m'a dit que c'était la première fois de leur histoire, le Financial Times et The Economist ont tous les deux fait un éditorial sur le mouvement des alignés. Donc c'était la semaine du 21-24 septembre. Donc, en expliquant que les alignés, fin octobre, ils ont fait un éditorial là-dessus. Et donc, ils expliquent que les alignés n'ont pas tout à fait tort, qu'ils ont raison de revendiquer certaines choses. Enfin, il faudrait le faire d'une autre manière, etc. Blablabla. Mais enfin, ils disent, oui, ces jeunes ont raison, ils font une couverture avec un aligné, etc. Et donc, c'est vraiment un mouvement très médiatique et qui mobilise relativement peu de gens. Il n'y a pas à Londres, il y a en tout cas c'est 300 personnes qui campent et même pas. Ça ne fait pas le point quand même face aux mobilisations qu'on a vues. On a vu récemment 100 000 personnes dans les rues à Londres, autour du changement climatique, autour des coupes budgétaires. Là, c'est 300 personnes avec un écho médiatique incroyable. À Wall Street, c'est pareil, il n'y a pas des foules immenses. Et à Madrid, ça a l'air un peu plus grand et en Grèce aussi, évidemment, la situation est assez différente. Cela dit, encore une fois, ce qui compte plus que le nombre, aujourd'hui, c'est bien sûr le message. Et là, les Adéniers ont quand même à la fois un message, je pense, très fort et logique, finalement. Comment est-ce possible qu'on ne l'ait pas vu plus tôt Évidemment, on voit la même crise aujourd'hui qu'il y a 3 ans, sauf qu'il y a 3 ans, on dit « Ah, c'est pas grave, les États sont là pour sauver les banques. » Aujourd'hui, on dit « Il faut les coupes budgétaires pour sauver les États. » Donc, ça paraît quand même un peu grossier. Les altermondialistes n'ont pas eu tout à fait tort et on n'en a pas tenu compte. Et donc, voilà, disons que c'est une révolte légitime, en tout cas un message qui passe. Et en même temps aussi une volonté en fait d'être beaucoup plus inséré dans les médias, je crois, que les altermondialistes. Par exemple, c'est quand même fantastique, j'étais là dans le campement à Londres et autour de la cathédrale, on voit toutes les plus grandes banques du monde et tous ces gens qu'on dénonce tellement partout, ils sont là tout autour. Et il n'y a pas une vitre brisée, il n'y a rien. Les gens, ils sont très sympathiques avec les gens qui sortent, avec les traders qui sortent de là. Et on discute un peu et tout va bien. Et attention, il faut surtout libérer un passage pour que les gens puissent aller à la cathédrale, etc. Au moment de prière, tout ce qu'il faut. On fait un peu de musique, mais pas trop fort, pas trop tard, pour ne pas déranger les voisins. Enfin, donc c'est un mouvement qui est très très soucieux de son image médiatique. Et puis aussi, pour ce que j'en ai vu, un mouvement très réflexif. Ils ne sont pas dupes en se disant comment toucher une plus grande partie de la population. Comment faire en sorte de pérenniser le mouvement. Et là, il faut dire que les exemples précédents ne sont quand même pas très... ne sont pas forcément pleins d'espoir. Le mouvement violent en Italie a mis 1 million de personnes il y a 2 ans dans les rues. Il était à peu près... C'était exactement les alignés, avec en plus la petite revendication que Berlusconi s'en aille. Mais c'est tout. 1 million de personnes dans les rues. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qui s'en souvient encore aujourd'hui? Personne. Tout le monde a oublié ce mouvement-là. Et c'est un mouvement qui était extrêmement... un mouvement très intense, sporadique, Facebook, Twitter, tout ce qu'il faut. Et pourtant, donc là, il y a quand même il y a un vrai problème de la continuité des mouvements. Et on peut se demander quelle est l'efficacité finalement de ces mouvements. Cela dit, ils sont quand même importants à différents niveaux. Hein. Quand on parle de continuité, qu'est-ce qu'il en restera? Ils sont importants parce qu'il y a quand même un message qui passe, parce que on fait pas mal de sondages pour dire que la population soutient ces mouvements. Ils sont aussi importants au niveau personnel. Par exemple, il y avait une très bonne recherche de McAdam qui montrait que 30 ou 40 ans plus tard, les gens qui ont participé aux manifestations du Freedom Summer aux États-Unis, il y a toujours un impact très important 30 ou 40 ans plus tard. Et là, je crois que tout à fait sur les jeunes altermondialistes, sur la génération Seattle, sur ces indignés, c'est quand même ça a un impact certainement sur leur biographie, sur leurs opinions. Et puis, c'est comme aussi un apprentissage de la démocratie très concrète. On voit beaucoup de discussions. Il faut des assemblées générales extraordinaires, quand même. Une assemblée générale de 300 personnes, dont la moitié est complètement nouvelle dans le système, et qui se termine en une heure avec 3 ou 4 décisions prises. J'ai jamais vu ça et j'aimerais beaucoup que mes collègues apprennent tout ça aussi pour que je passe un peu moins de temps dans les réunions. Et donc là, c'est un apprentissage d'une citoyenneté active dans ces formes très pratiques qui me paraît intéressant. Oui. Excusez-moi pour le français parce que je suis en train de l'apprendre. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de multitude chez Anthony Negri? Parce qu'il y a de significats communs avec la pluralité de sujets en question, mais il y a à la base une analyse marxiste de la, sur le besoin qui porte les gens à le mouvement. Il n'y a pas seulement la volonté de devenir acteur de la. De la mondialisation. Oui, c'est justement, c'est un débat qui a fait énormément parler de lui. C'était son contribution très importante, certainement, qui, moi, en fait, personnellement, ne m'ont pas passionné. Je ne sais pas très bien pourquoi, autour de la multitude. Mais ce qui était frappant, en fait, c'est qu'il y a plusieurs choses là-dessus. Premièrement, vous l'avez souligné, une volonté de rattacher tout ça au marxisme, tout comme John Holloway, qui, à l'époque, a écrit un livre qui, moi, me paraissait beaucoup plus intéressant, « Comment changer le monde sans prendre le pouvoir ?» qui, comme il se doit, Holloway. Donc c'est un Irlandais qui vit au Mexique depuis très longtemps et qui s'est inspiré des abattistes. Et donc, en fait, sa thèse, qui a à peu près la voie de la subjectivité, en fait, il la met tout au début, tout à la fin du livre, et entre-temps, on se farcit 7 ou 8 chapitres de théorie marxiste. Et donc après, les gens retiennent juste les deux autres chapitres et ils vont faire des articles là-dessus. Mais pourquoi est-ce que cet intellectuel-là, et encore c'est le cas en France ici aujourd'hui, on explique que... J'ai quelques très bons amis d'ailleurs qui écrivent des livres pour dire que tout le renouveau de la pensée critique se rattache forcément au marxisme. Bon, c'est sûrement important de comprendre le marxisme pour ces intellectuels-là, mais je pense que donc là, c'est déjà une partie intéressante en soi. Enfin, il faudrait étudier pourquoi est-ce qu'il faut absolument rattacher ça au marxisme, alors que, d'une part, on trouve beaucoup de choses quand même dans le marxisme, donc on peut appeler ce qu'on veut, et puis d'autre part, ça a l'air un peu contradictoire avec certaines autres parties du marxisme. Cela dit, il y a quand même des éléments importants avec la multitude. Je pense qu'il y a ces réseaux, l'importance de la subjectivité, l'importance du biopouvoir avec la Foucault, enfin toutes ces choses-là sont très présentes. Et puis aussi le lien avec le capitalisme que vous avez souligné, qu'on voit par exemple très bien chez Poltonsky et Capello, hein, qui explique bien le lien entre les valeurs dans le capitaliste et puis les mouvements sociaux, qu'on voit très bien chez Manuel Castells aussi, je crois. Et donc voilà, en effet, il y a des réseaux pour les capitalistes, comme il y a des réseaux pour les altermondialistes, l'isomorphie, pour reprendre le terme de Boltonsky et Capello. L'isomorphie est très forte, en effet, on voit des structures assez semblables, ils aiment bien à peu près la même chose, hein, la globalisation et l'individu pour beaucoup. Et donc oui, je pense qu'il y a certainement des éléments très intéressants dans le livre Multitude. La question peut-être aussi, c'est qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, 10 ans plus tard ? Ça a fait un tel tabac il y a quelques années, il y a eu des revues, il y a plein de choses autour de ça. Est-ce qu'il reste tellement de choses? Est-ce que, à mon avis, il en reste beaucoup moins qu'il y a 10 ans? Il reste des choses intéressantes, mais ça n'a pas pris l'ampleur que ça semblait prendre à un moment. Et puis, comment le débat évoluait? Et là, quand même, on a eu, avec Hart et Negri, avec Holloway, avec Ben Assayak, tous des gens très intéressants qui allaient à peu près dans le même sens, on a quand même eu, au début des années 2000, une espèce de convergence intellectuelle en disant c'est fantastique, il faut changer le monde sans prendre le pouvoir, il faut faire des choses, le pouvoir est partout, etc. Et puis il y a eu un contre-courant et qui existait déjà auparavant, mais qui s'est renforcé. Notamment parce qu'on a vu, je crois que ça ne suffisait pas en fait, rien de nouveau, l'idée du pouvoir politique est quand même important. Est-ce que quand on fait des petits est-ce qu'on fait quand on fait des petites communautés politiques, est-ce que ce n'est pas aussi déserter les luttes de pouvoir politique? Et là, c'est une question que Art & Greed pose eux-mêmes dans leur conclusion de Empire. Ils se demandent est-ce que c'est pas déserter les conflits politiques? Et en effet, je pense que c'est souvent passé. Hein. Par exemple, on voit les piqueteros en Argentine. Les piqueteros radicaux ont dit la politique, ils sont tous mauvais, tous corrompus, c'est pas pour nous, il faut pas aller voter. Une partie des alignés en Espagne aussi, mais une autre partie est aujourd'hui dans les partis politiques. On voit avec les zapatistes. En 2006, ils expliquent que le candidat aux élections présidentielles de la gauche est tout aussi mauvais que la droite, que tous les politiciens sont pourris, ils sont tous les mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, avec le pouvoir mexicain, on voit bien que la gauche et la droite, c'est pas la même chose, et qu'il y a un état assez différent. Et donc on a vu, après 2003-2004, un retour en force quand même du politique, avec aussi l'enthousiasme des Européens pour les pouvoirs progressistes en Amérique latine. Et je crois que le débat a évolué en fait, vers davantage d'articulation avec le politique par rapport à Art & Greed, même si c'est aussi présent, je crois, dans leur livre. Oui, si je voulais demander si, avec la crise, qui c'est un processus qui se passe plus ou moins dans le même temps, dans la même période, et qui se renverse plus ou moins fortement dans toutes les sociétés civiles, si vous avez finalement remarqué un passage de généralisation dans les revendications des mouvements sociaux qui se développent dans chaque pays. Alors s'il arrive vraiment à voir dans la crise, s'il arrive à cristalliser dans la crise un phénomène que de toute façon concerne tous en même temps, et si alors là il y a même des questions qui dépassent l'échelle nationale. Si vous avez remarqué ça ou si c'est... Oui, d'abord, je fais beaucoup moins de terrain après la crise qu'avant la crise, mais je disais aussi que les cadres nationaux semblent très importants aujourd'hui, et tout à fait étonnante. Et par ailleurs, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en même temps, il y a un discours assez global des altermondialistes qui sont toujours très importants. Hein. Le discours en fait contre la crise, en fait, il n'a pas beaucoup changé. Et finalement, ce que les altermondialistes disaient il y a quelques années, c'est aujourd'hui des revendications politiques de gens comme Merkel et Sarkozy pour la taxe Tobin, par exemple. Hein. Et donc là, c'est un paradoxe de voir qu'en même temps, les altermondialistes ont, je crois, montré qu'il est possible d'agir face dans la globalisation. Ils ont eu un certain impact. Ils ont contribué à la fin du néolibéralisme, la fin du consensus de Washington. C'est plus aussi hégémonique qu'auparavant. Et en même temps, après, une fois que c'est terminé, ils ont été très limités. On ne les a pas vus beaucoup en 2008. Maintenant, on ne les voit pas tellement. On sait que certaines de leurs mesures ont été adoptées par certains leaders aimeraient adopter certaines de leurs mesures, mais on ne voit pas un mouvement global suffisamment fort qui se développe autour de ça. Et là, je crois que ça pose beaucoup de questions de nouveau sur l'idée de capacité d'agir des acteurs sociaux aujourd'hui. Je crois que l'altermondialisme montre bien qu'il est possible d'agir, que les citoyens peuvent avoir un impact, mais ça montre aussi toutes les limites de cela. Ça montre toutes les limites des mouvements sociaux aujourd'hui qui n'ont pas eu un grand impact sur la suite de la crise jusqu'à présent. On peut l'espérer. Et face à cela, on peut trouver des réponses de plusieurs ordres. Premièrement, dire que tout ça demande quand même peut-être un peu plus de temps. Si on voit le mouvement du néolibéralisme lui-même, hein, les premières réunions, c'était en 1947. Ensuite, il faut attendre 30 ans avant qu'il arrive au pouvoir aux États-Unis et en Angleterre. Donc, voyons si l'altermondialisme, voyons ce qui va rester, ce qui est mouvement international, est-ce que les idées vont passer plus fortement. Et un autre exemple aussi, c'est peut-être certainement le mouvement ouvrier. Parce que l'une des questions, c'est de dire où est le mouvement global fort aujourd'hui, quel a été son impact. Et la question qu'on pose généralement plus directement, c'est est-ce que l'altermondialisme n'a pas perdu? Est-ce qu'il n'a pas disparu maintenant? La crise est là et où sont-ils passés? Et donc, je crois que vraiment la question de gagner ou perdu, c'est peut-être pas exactement la bonne question, puisque le mouvement ouvrier n'a jamais gagné en Europe occidentale. Quand il a gagné, c'était plutôt assez mauvais. Mais en Europe occidentale, il n'a pas gagné. Il y a toujours eu les capitalistes qui ont été plus forts, les patrons ont toujours été là, etc. Et pourtant, le mouvement ouvrier a eu un impact considérable sur notre monde de vie. Et dans ce cadre-là, peut-être que les altermondialistes, un peu pareil, ils n'ont pas gagné, mais est-ce qu'ils auront un impact au niveau des idées? C'est plutôt là qu'il y aura un impact du mouvement social. Cela dit, c'est toujours étonnant qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de mouvement global plus fort. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà compliqué d'expliquer pourquoi un mouvement marche et comment ça fonctionne. Quand il n'a pas, c'est toujours plus compliqué encore. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Il faut souligner toutes les limites aujourd'hui des acteurs sociaux. Comme aussi, je crois, toutes les limites des sociologues en général, et des politologues aussi, certainement. Je crois qu'on a dit beaucoup que la crise, c'était l'échec des économistes. Quand la reine d'Angleterre a inauguré le nouveau bâtiment à la London School of Economics, elle a dit, bon, il faudrait que vous m'expliquiez comment vous, les plus brillants économistes du monde, vous êtes tous ici et personne n'a expliqué qu'il y aurait une crise qui allait arriver. C'est vrai que ça paraissait quand même assez évident. Donc, clairement, l'échec de l'économie, tous les sociologues en parlent beaucoup et on aime beaucoup dire ça, que les économistes finalement nous ont mené à la catastrophe, ils n'ont pas compris grand-chose. Je pense que c'est un peu pareil pour la sociologie. Non pas qu'ils n'ont pas encore mené à la catastrophe. Par contre, toutes nos conceptions du changement social sont quand même fortement remises en cause. Quand on pense au changement social, au début, ben oui, c'est Marx à peu près, en résumant beaucoup, on dit ce qui compte, c'est la crise, c'est l'infrastructure économique. Donc ce qu'il faut, c'est une grosse crise du capitalisme. Et donc là, on a la plus grosse crise depuis 1929. Et les altermondialistes y ont cru à fond. Au début de la crise, ils ont dit, voilà la crise, maintenant les gens vont être obligés d'adopter notre programme, ils vont devoir faire ce qu'on a dit. La taxe sur le bien, les paradis fiscaux, etc. Et ça paraissait logique qu'ils fassent ça. Mais s'il n'y a pas d'obligation comme ça, pas du tout. C'est pas parce qu'il y a une crise qu'il y a un changement. Pas du tout. Ensuite, après ça, Gramsci est arrivé en disant, non, c'est plus compliqué, il y a les idées, attention, c'est important. L'hégémonie idéologique, et il a dit, il faut faire attention à ces idées. Là, on a un vide idéologique assez fort, on n'a pas d'idéologie hégémonique. Le néolibéralisme est toujours présent, mais pas si dominant, et qu'est-ce qui vient le contester? Et puis, heureusement, sont arrivés les politologues qui ont expliqué, non, en fait, ce qui compte beaucoup plus, c'est l'ouverture politique. Il faut voir le... Comment on appelle ça? Les fenêtres d'opportunité. Voilà. Les fenêtres d'opportunité politique, c'est ça qui compte. Il faut un système plus ouvert, qui fait attention aux acteurs sociaux. Là, on a quand même un système multilatéral vachement plus ouvert. Le G20, c'est pas tous la même chose. Hein. La Chine, le Brésil, les États-Unis, l'Europe, c'est pas la même idée de la mondialisation et de ce qu'il faut faire. On a quand même Obama qui, à la place de George Bush, c'est quand même pas beaucoup, mais un petit peu plus ouvert. Et pourtant, rien ne se passe. Et donc, je pense que c'est un vrai défi pour la sociologie d'essayer de comprendre comment les choses peuvent changer, quel impact peuvent avoir les acteurs sociaux. Et je pense que la meilleure façon d'y réfléchir, sans doute qu'il y a tous les politologues qui étudient déjà toutes ces questions-là au niveau international, des institutions internationales. Les philosophes en parlent beaucoup en faisant plein d'abstractions. Je pense aussi qu'une bonne manière d'étudier, c'est de voir les succès et les échecs des mouvements sociaux comme l'altermondialisme à ce niveau-là. Et je pense que force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de réponses aujourd'hui à cette... En fait, qu'il y a peu de mouvements globaux, qu'il n'y a pas peu de changements après la crise. Et au contraire, peut-être que les altermondialistes ont beaucoup cru à cette idée de la crise salvatrice, que la solution viendrait de la crise, ce qui est faux. Et là, je citerai quand même Alain Touraine qui a toujours expliqué que le changement vient beaucoup plus des acteurs sociaux que de la crise de la société. Et que pour changer les choses, il faut des acteurs qui soient capables de donner un sens à la crise et de le faire entendre à la fois dans les médias et auprès des décideurs politiques, ce qui, manifestement, l'altermondialisme ne l'a pas fait jusqu'à présent. Je reviens pas vraiment à la première question sur le choix du terrain. D'après ce que j'ai compris, vous avez fini par travailler sur la globalisation en choisissant tout d'abord un terrain. C'est pas que vous vous êtes posé la question de travailler sur le global. En fait, tout au début, je travaillais sur la globalisation, et après... D'accord, c'était comme ça. Ok. Avec l'évolution, parce que en gros, ce qu'on voit, c'est que l'évolution... ce que je vois pas trop bien, c'est dans quelle mesure l'évolution... où les changements qu'il peut y avoir eu à un niveau global, soit technique, politique, ont eu quand même une influence sur le mouvement intermondialiste, je suppose. En tout cas, je vois que dans certains types d'organisations ou de pratiques, on voit forcément un développement d'Internet, d'autres dispositifs de massification de communication ou d'autres choses. Dans quelle mesure l'altermondialisme a été un mouvement situé à un moment donné? Dans quelle mesure, disons, l'altermondialisme est un exemple d'une époque, et donc on peut avoir d'autres types de mouvements, ou si c'est plutôt que l'époque a été marquée par ce mouvement qui est né origine, ce mouvement, disons, qui a produit une époque. Je crois qu'il y a beaucoup de questions dans ces questions-là, c'est Oui. Centrale comme question. Et je pense que ma réponse serait certainement les deux, en fait, hein, même les trois, en disant que l'intermondialisme est le produit de son époque, il a produit son époque et il continue encore aujourd'hui aussi. Et donc je pense qu'il a, il est clairement le produit de son époque parce que, en effet, c'est un mouvement qui est arrivé quand Internet commençait. Il n'y avait pas encore Twitter, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore tout ça. Et c'était assez international, il y avait les réseaux, des cultures, tout ça. Et l'intermondialisme a contribué à faire pas mal de choses. Le SPIP et plein d'autres même technologies très concrètes viennent directement du mouvement intermondialiste. Et donc là, comme Manuel Castells et beaucoup d'autres, je pense que Tilly aussi, par exemple, je pense qu'il faut se méfier du déterminisme technologique, bien sûr. Et en même temps, il y a une importance à la technologie qui est indéniable. Il faut se méfier du déterminisme technologique parce qu'il y a vraiment... la technologie dépend beaucoup de la culture aussi. Et la culture est notamment produite par les mouvements sociaux. Par exemple, un livre récent montre bien à quel point la culture de la Silicon Valley et de l'informatique est tout à fait issue de quelques groupes hippies qui, des années 60 qui alliaient technologie de pointe et organisation très décentralisée. En gros, l'idée auparavant, c'est qu'on allait vers un méga ordinateur dans le monde, très centralisé, et ce qui est arrivé, c'était complètement différent, c'est plein de petits ordinateurs partout. Et donc là, il explique très bien, je crois, de manière très convaincante, que c'est un impact des mouvements sociaux, je ne dirais pas uniquement, mais en tout cas, les hippies ont certainement une influence sur le développement de la technologie, et les intermondialistes un petit peu, peut-être, sur la technologie. En plus, on voit aussi de très bons textes là-dedans, par exemple, dans la Revue internationale des sciences sociales en 89 et 90, on voit en fait qu'il y a une vraie demande de ces ONG, de ces acteurs-là, pour une coordination différente. Et donc, il y a par exemple un auteur qui explique que il dit quelque chose comme « Ce que nous avons besoin, c'est une manière de nous coordonner sans devenir une institution sans avoir une organisation forte, mais une manière d'échanger des informations et de faire un réseau. » Et quelques années plus tard, il y a Internet, dont ces mouvements s'emparent très rapidement. Et donc là, il y avait une culture déjà, on ne sait pas très bien dire qui est premier, de la culture ou de la technologie. Ensuite, la technologie évolue, et les mouvements aussi. Dans quelle mesure est-ce que les révolutions arabes doivent beaucoup à Facebook et Twitter et ben, le mouvement des indignés? Dans quelle mesure le caractère tellement sporadique doit beaucoup aux alignés, doit beaucoup à la technologie? Et dans quelle mesure cette assemblée générale que j'ai beaucoup aimée, qui se termine en une heure, et dans laquelle on arrive à faire une synthèse d'un point très un point énorme sur le capitalisme, je ne sais pas quoi, en deux lignes, en quoi est-ce que c'est lié au fait que ces gens-là probablement passent plus de temps sur Twitter à lire le Capital? Et donc. Donc je pense qu'il y a un impact considérable et que peut-être l'altermondialisme, une des raisons qui explique sa transformation, peut-être son mécanisme, je ne sais pas, ça peut être une évolution technologique, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres explications certainement. C'est aussi un mouvement, je crois, qui a marqué son époque et qui a quelque part ouvert la voie à d'autres mouvements. C'est un des premiers mouvements à être aussi global, en tout cas dans ce sens-là. Je crois qu'il est tout nouveau, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose là d'une autre échelle. Il y a une contestation, un nouvel intérêt pour les enjeux globaux. Il y a ces deux voies de la raison de la subjectivité qu'on retrouve déjà auparavant aussi, mais qui sont encore développées de manière plus forte, et qu'on voit réapparaître dans d'autres mouvements, comme par exemple ce mouvement contre le changement climatique. Et on voit par exemple très fortement les liens entre le mouvement contre le changement climatique et le mouvement altermondialiste, à la fois parce qu'il y a des personnes qui sont les mêmes, mais aussi parce que certaines logiques d'action sont semblables. Et donc là, c'est pas trop... Je développe un petit peu ça tout à la fin du livre, mais il y a un article qui vient de paraître, qui reprend précisément la voie de la raison de la subjectivité, je reprends à peu près les hypothèses, non, exactement ce livre, et qui explique en quoi ça s'applique à peu près, mais pas tout à fait, au mouvement contre le changement climatique. Donc là, c'est intéressant de voir en quoi l'altermondialisme a peut-être ouvert une voie qui permet à d'autres mouvements de s'y engouffrer et de la développer, de la transformer, etc. Et donc c'est sans doute un résultat de son époque et aussi pour un acteur de la société. Il a en partie construit son époque. Donc vous voyez une multiplication de mouvements globaux, en quelque sorte, ou pas forcément? Tout dépend de ce qu'on entend par mouvements globaux, évidemment. Je pense que j'aime évidemment beaucoup la définition de Kevin MacDonald qui dans son livre Mouvements globaux. Ça ne s'invente pas, explique en fait qu'un mouvement global, c'est un mouvement qui est à la fois orienté vers des enjeux globaux et en même temps profondément subjectif. Et donc il y a un lien très fort entre le global et l'individu, qu'on retrouve chez Giddens, Bjorka, Beck, enfin, plein de gens. Dans ce sens-là, oui, il y a en tout cas un élan assez fort à la fois vers le subjectif et vers le global dans beaucoup de mouvements. Pour autant, je disais aussi que l'échelle globale ou l'échelle internationale semble moins importante aujourd'hui qu'il y a quelques années, quand même, quand on voit les indignés, ça me pose beaucoup de questions. C'est en même temps très international et en même temps si national qu'ils n'arrivent pas à se coordonner entre eux. J'aime beaucoup Bon, comme j'ai beaucoup parlé des Français qui sont un peu spécifiques, j'aime beaucoup aussi parler des Américains et des Anglais. J'étais à Londres il y a 2-3 semaines et quand j'étais voir ce mouvement-là, je me suis dit, eh ben oui, en fait c'est dommage parce que pour promouvoir ce livre, à la place de faire plein de conférences, j'aurais mieux fait d'écrire un petit truc sur les indignés. Mais maintenant c'est un peu tard, j'ai pas suivi le mouvement. Et là on m'explique, non, en fait le mouvement vient à peine de commencer, ça fait 2 semaines qu'il y a l'occupation de New York, 3 semaines ou 2 mois, et 2 semaines qu'ils occupent Londres. Et donc c'est un tout nouveau mouvement, ça vient de commencer et il n'y avait aucune idée ou très peu de ce qui se passait à Madrid ou ailleurs. Et donc là, c'est vraiment frappant de voir comment chacun a l'impression de faire un nouveau mouvement chaque fois. Comment évidemment, les Américains, c'est ce qu'ils font toujours. Quoi. Quand ça commence à Wall Street, tout d'un coup, ça prend une ampleur globale. Alors donc là, comparé à ça, le soulèvement à la place Tahrir, ça paraît rien du tout. Alors à Wall Street, ils sont quelques centaines. On peut quand même se poser des questions là-dessus. Et le cadre national reste très fort, tant pour les mouvements que pour les chercheurs, je crois aussi, hein, et les analystes, enfin, les journalistes, etc. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y a plus de mouvements globaux. J'ai juste une question. Oui, qui est en lien avec l'idée de connectivité. Tu as dit qu'en gros, tu considérais que ça pouvait être un mouvement global ou des mouvements globaux parce que les enjeux l'étaient, avant tout. C'était surtout la principale caractéristique. Mais que d'un autre côté, c'était des mouvements qui avaient... Il y avait des mouvements à l'échelle ou aux échelles nationales qui avaient essaimé un petit peu en même temps, et que d'un autre côté, il y a eu des constitutions de rencontres ou de rendez-vous comme les forums sociaux. Est-ce que tu as l'impression que il y a d'abord eu une sorte de mise en connexion qui a débouché sur cette rencontre dans les forums sociaux qui a en quelque sorte donné une sorte de localisation à ce mouvement-là, transformant peut-être des mouvements divers en une impression ou une mythologie de mouvements qui se réunissaient à un seul endroit? Ou alors, est-ce qu'à partir de ces mouvements sociaux, ou peut-être avant, j'en sais rien, est-ce qu'il y a eu la mise en place d'une sorte de connectivité reliant en quelque sorte certains de ces mouvements, bien évidemment sans doute pas tous entre eux, et qui en tant que tels pouvaient se passer du forum social ou des différents forums sociaux ou des différentes rencontres? Est-ce que ça se poursuit après? Oui, en fait c'est une question importante qui est un peu aussi une question d'un poulet de l'œuf. Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui favorise l'autre? Et je pense que ça va tout à fait dans les deux sens, et là j'en profite pour faire un peu de pub pour ce livre qui commence précisément par une série de petits mouvements qui ont l'air tout à fait nationaux voire locaux. Les apartistes font ceci, en Inde il se passe ça, etc. Et ce qui est intéressant, là il y a un vrai rôle d'intellectuels surtout, qui connectent les gens et qui vont un peu partout, ils sont un peu plus cosmopolites. Et donc il y a bien sûr un vrai travail de mise en connexion, comment est-ce qu'ils appellent ça, parce que Tarot aime beaucoup là, les gens qui font des liens entre tous ces mouvements. Avec l'archétype, c'est sans doute ici Christopher Guiton, comme beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, non, qui arrive à parler avec un... Il parle, je sais pas combien de langues sous le coup, et alors qu'il ne les parlait pas avant, mais dans le mouvement, il arrive à parler toutes les langues, une espèce d'espéranto extraordinaire, et qui connecte tout le monde. Donc là, ces gens-là ont eu un impact très important. En même temps, ce qui est intéressant quand même, c'est que les gens en Inde se révoltent contre l'OMC, en même temps, il y a d'autres qui se font ailleurs, mais eux aussi en Inde, ils ont directement une portée assez globale du mouvement. C'est-à-dire qu'ils revendiquent contre l'OMC, ils ont l'idée qu'ils ne manifestent pas. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement le changement en Inde, ils veulent le changement plus global, qui vont au-delà. Et il y a ce que Ulrich Beck ou Martin Harbour mettent comme le moteur de la globalisation. C'est moins les échanges économiques que cette idée de citoyenneté globale, cosmopolitisme, etc. Et donc je crois que les deux, encore une fois, c'est la question aussi de la culture qui revient, les deux en fait se sont vraiment imbriqués. Et je crois qu'après tous ces petits mouvements nationaux, qui sont des mouvements qui étaient essentiellement ancrés au niveau national, allié à une culture globale qui prend de plus en plus de place, ça a créé tout d'un coup un mouvement qui était profondément global. Et là, Seattle, c'était vraiment l'émergence. À Seattle, il n'y a plus de doute à partir de ce moment-là qu'il y avait un mouvement global. Parce que c'était américain, donc c'est directement global, comme il se doit, comme ils le disent toujours là-bas. Et puis parce que ça avait un impact médiatique considérable. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà dans chacun des pays des mouvements importants. Si Seattle a un impact tellement important en France, C'est évidemment parce qu'il y a quelques Français qui ont été là et que les médias français suivent toujours les Français qui vont à l'étranger. Mais c'est aussi parce qu'en France, il y avait un mouvement intermondialiste qui a fait en sorte que cette information soit relayée, qu'il y ait un public intéressé, etc. Et donc là, c'est intéressant de voir comment le global s'est construit à partir du national, mais en ayant, je crois, tout à fait sa logique propre. Parce qu'une fois que, c'est devenu, une fois que les gens se sont rencontrés, ça a tout à fait échappé aux logiques des nationaux. Ménard Cassène pensait avoir un petit contrôle sur le Forum social mondial. Je peux vous dire que quand ils se réunissent, c'est à peine si quelqu'un lui parle encore et qu'il est au Conseil national, mais plus personne ne l'écoute. Évidemment, après avoir bourré les urnes dans un tank, c'est difficile de parler là-bas, mais enfin, lui essaye toujours, et je veux dire, ça lui a complètement échappé. Il y a une logique propre d'un mouvement global qui répond de manière différente, même par rapport aux pays hôtes. Par exemple, les Brésiliens sont importants, mais la vie des Brésiliens n'est pas forcément suivie, il y a d'autres logiques. Et donc, bien sûr, la mise en connexion est importante, bien sûr, elle s'est multipliée avec les forums sociaux, bien sûr, il y a aussi une expérience simplement du global. Les gens qui ont été à Porto Alegre, on peut le penser, ou en tout cas ceux que j'ai pu interroger, se sentent beaucoup plus citoyens du monde après qu'avant. Et donc ils vont continuer à être en lien avec d'autres personnes éventuellement, ou voir le monde d'une autre manière. Et là, de nouveau, je crois que la mondialisation, le national, le global, tout ça a un côté à la fois matériel et subjectif, et les deux doivent être pris en compte. Il y a une réalité matérielle du global, qui passe notamment par le changement climatique, par toute une série de risques, comme dirait Beck. Mais il y a aussi une réalité subjective qui fait que de plus en plus de monde se sent concerné par ces problèmes globaux et se sent et sans faire partie de ce monde-là. Et donc c'est là que le mouvement altermondialiste a été profondément, d'abord, je dirais d'abord global, même si c'est difficile de le prouver. Je dirais d'abord global, entre 99 et 2005-2006 peut-être, à peu près. Et ensuite, c'est vrai qu'on voit comme un retour assez important du national qui devient de plus en plus fort, et en même temps de quelques logiques parfois régionales, comme en Amérique du Sud peut-être. D'autres questions? On s'arrête là. Merci beaucoup pour attention, pour cette intervention très très riche, et puis j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures. Tout à fait, et puis je vous renvoie au livre pour ceux qui veulent plus de détails. Donc il est disponible partout, il coûte pas cher, on le trouve sur Amazon à 16 €, je crois. C'est pas grand chose pour un truc comme pour un gros livre comme ça. Donc c'est écrit en anglais très simple, même ceux qui ne comprennent pas l'anglais. C'est vrai. Et donc voilà, je vous encourage à aller voir ça de plus près. Très bien, merci beaucoup, merci d'être venu. Et puis nous nous retrouvons dans 2 mois, simplement, donc pour la prochaine séance de ce séminaire. Voilà, bonne soirée à tous.